Bonsoir à tous les auditeurs Radio Arc-en-Ciel. Vous le savez, depuis 11 ans déjà, l'émission d'un vrai cas tous les vendredis à partir de 19h. Voilà, avant c'était 20h30, mais ça commence à faire un petit moment qu'on est revenu à 19h jusqu'à 22h. Nous sommes donc dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à Fleury-les-Aubrais, à quelques minutes d'Orléans. Et nous émettons donc pour vous faire partager de la bonne musique. Alors, des artistes qui viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ça c'est vraiment la signature de l'émission Mavrika. Et depuis un petit moment, avec le Covid, c'était moins évident, mais là je suis en train de voir que ça part très bien. J'ai beaucoup de personnes, beaucoup de demandes qui ont envie de gens qui ont envie de venir dans les studios Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de leur projet, parce que là on a envie vraiment de sortir, hein. Les gens, ils ont été un petit peu en studio, ils ont enregistré des choses, mais là ils ont envie de rencontrer le public, ils ont envie de faire des concerts, et puis je crois que ça va se décanter un petit peu. Et il y a aussi l'émission Mavrika pour présenter justement tous les projets des groupes. Alors la semaine dernière, nous avions ici Monsieur Jimo. Il était venu nous présenter son album qui est sorti très récemment. Et on a passé un très bon moment. On a vu 3 heures quand on les a pas vus du tout. D'ailleurs, on est arrivé au bout de 3 heures. Et puis derrière, on a été dans les coulisses et on a continué à discuter pendant un petit moment, à partager un bon moment. Voilà, c'est ça aussi les rencontres dans l'émission Mavrika. Alors la semaine prochaine, j'ai un artiste qui nous vient de Bayonne carrément. Hein. Donc c'est Max de Giovanni qui viendra ici présenter son album qui sort le 5 février, me semble. Donc il sera là pour nous parler de tout ça. Le 4 février, donc ça vient de tomber, hein, il était encore libre, cette date était encore libre il y a quelques temps, c'est hier. On sait que le groupe Turn Off sera dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc ça sera une première découverte. Moi j'ai déjà eu l'occasion de les voir en concert, mais cette fois-ci ils seront ici dans les studios et nous parlerons évidemment de leur univers. Le 11 février, hein, on est toujours dans l'année 2022, il y aura retour d'un grand monsieur, une personne que j'estime beaucoup, que j'apprécie beaucoup en plus. Donc il a vraiment un style à lui, c'est un univers à lui. On me passe un morceau que je connais pas, je sais que c'est lui parce que c'est très bien écrit, c'est très bien interprété, et en plus il a une superbe voix. C'est notre ami Mourad qui sera là le 11 février pour nous parler de l'évolution de sa carrière, puisque ce monsieur là il est dans la musique déjà depuis pas mal de temps, et cette fois-ci il va nous parler un petit peu de toutes les nouveautés. Le 25, ça sera la première fois qu'ils viendront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est le groupe Roraima, un groupe de trip-hop orléanais que j'ai l'occasion de voir déjà 2 reprises en concert. Et cette fois-ci, ils viendront ici nous parler de leur musique. Et on partagera aussi, évidemment, plein de bonne musique. Alors voilà, ça c'est tout ce qui est déjà sûr. Alors ce soir, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque c'est ce soir, donc c'est le plus important. C'est le groupe Neutol qui nous vient de Tours. Ils sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va découvrir tout leur univers. Alors moi, c'est vrai que je connais leurs morceaux depuis un petit moment. Je vous les ai fait partager aussi, hein, parce que régulièrement on écoute un morceau dans l'émission Mavrika tous les vendredis soirs. Et cette fois-ci, on va découvrir un petit peu toute leur histoire, tout leur univers. On va être imprégné au maximum. Ils nous ont amené plein de bonne musique. Donc restez avec nous jusqu'à 22h. C'est l'émission Mavrika. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Alors jusqu'à maintenant, on a écouté déjà 2 morceaux dans l'émission Mavrika. Il y avait Jekyll Wood, que nous n'avons pas encore eu la chance de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Par contre, je l'ai rencontré à un moment. Et j'ai aussi de bons contacts. Donc dès qu'il y a un nouveau morceau, il nous l'envoie. C'était le morceau Just a Little More. Voilà. Et juste après, c'était un nouveau projet. Par contre, la personne qui l'interprète est déjà venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Vous vous souvenez du groupe Tomia? C'était le chanteur de Tomia, hein, qui a eu aussi le projet de Patiente, et maintenant c'est un nouveau projet en français, c'est comme vous avez pu le voir. Il s'agit de Evo et le morceau s'appelle Un Instant. Voilà, et puis maintenant on va écouter l'artiste qui était là chez nous la semaine dernière. Il s'agit de Jimo et on va écouter un morceau très important. Je crois que c'est important pour tous les gens du monde, c'est leur maman. Parti, m'a vraiment anéanti. Maman, que tu sois pute ou femme du monde, le rôle que tu as restera crucial. Tu nous as donné le jour sans faconde, je te rends hommage et c'est primordial. On est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est la petite musique qui dit qu'on va discuter tous ensemble. Voilà, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc nous avons des invités. Je vous ai parlé tout à l'heure du groupe Neutol qu'on diffuse déjà depuis quelques semaines. Et ben cette fois-ci, ils sont là dans les studios. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à discuter avec eux. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on va régler les micros en même temps, hein, parce qu'on fait tout ça à l'arrache. Hein, c'est comme ça dans l'émission Mavrica. Hein. C'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll, hein, donc voilà, on va essayer de mettre un petit peu de gain pour qu'on vous entende bien. Et donc aujourd'hui, on va tout savoir du groupe Neutol. C'est comme ça, ça se prononce bien, je le prononce bien ou... À peu près. À peu près, vas-y. Non, bah, c'est bien, Neutol. Neutol, voilà. Neutol, ouais. Bah justement, tu vas commencer à te présenter. Et non, il est vachement bien dans ton ascenseur. Là. Cette petite musique de fond là qui fait monter et descendre, c'est... C'est vrai qu'on m'a demandé souvent d'où venait cette musique. Et à un moment, j'avais un assistant qui était ici et j'avais fait croire aux gens que c'était qu'il y avait une guitare dans les studios et que régulièrement mon assistant prenait la guitare et il jouait. Et des gens avaient un petit peu gobé ça. Bon, c'était de l'humour. C'est rigolo. En vérité, c'est un truc que j'avais chopé dans un c'était un studio d'enregistrement. Et il présentait le studio en 3D, un site super bien fait. Et il y avait cette musique qui était toujours en boucle. Et je me dis, mais attends, c'est super bien cette musique-là. Elle est devenue la musique de l'émission Mavrica depuis un petit moment déjà. Voilà, donc le groupe Neutol, il est composé de combien de personnes ? 4 à l'heure actuelle. Le groupe, bon, le groupe la standard. La formation quoi. Actuelle qui a maintenant 13-14 ans, quoi. Oui, ça doit faire ça, ouais. Ah ouais, 13-14 ans. On est 4 depuis 5 ans, 6 ans. Ouais, depuis la... Depuis malheureusement le départ du guitariste qui est décédé, qu'on n'a pas remplacé. Ah, voilà. Bah, les choses de la vie, donc voilà. Quoi. Donc là, la formation, ouais, où le chanteur a repris la guitare, doit avoir 6 ans maintenant. Je crois que ça doit faire à peu près ça, quoi, 5-6 ans. Quoi. Ouais. Sinon, le groupe a 23 ans. Ah ouais, quand même, c'est un groupe. Donc, vous avez commencé tout jeune. Eux, ouais, moi non. J'adore, ouais. Moi j'ai fait Woodstock déjà, donc. Ah ouais, d'accord, donc. Ah ouais, tiens, j'ai de la vieille alors. C'est, le groupe est né en août 99, donc. Ouais, donc c'était le siècle dernier. C'est ça. Tout à fait. On est un groupe du siècle d'avant, ouais. Lui, il était prépubère encore. Mais... Bah, ils sont venus me chercher, ouais, à l'époque que je roulais, j'étais en scooter. Pour mettre une batterie, c'était pas facile. Bah, il avait 16 ans, j'en avais là 24, un truc comme ça, quoi. Ah ouais. Ah, il y a 23 ans. Voilà. C'est ça. Le temps passe vite. On va commencer. Il y a des gens qui sont en train de calculer votre âge à peu près. C'est ça. Donc, ça, c'est. Ah, ben, moi, ils vont pas trouver, hein. C'est son comme ça. Highlander à côté, c'est un rigolo. D'accord. Ok. Donc, 23-24 ans, quand même. C'est ça. Ça commence à faire. Dans 99, non, ça fait 22. Oui, 22. 22. Après, c'est peut-être au moment. Je suis tellement vieux, tu vois. J'ai plus peur de vieillir, quoi. Entre le moment où vous avez commencé à vous rencontrer et le moment où le groupe s'est vraiment formé. Ah, bah, ça s'est fait. Rapidement. Ça s'est fait. En fait, c'était à l'époque avec Willox, qui était mon meilleur pote, enfin qui est toujours d'ailleurs. On était parti sur le délire de monter un truc ensemble. On a vu FX et fait de la musique et ça a été parti dans la foulée. Quoi. Ah, vous êtes venu me voir en juin 99 et on a fait notre première répète en août 99. Et notre premier concert en février 2000. D'accord. Ok. Ouais. Donc les membres, on a encore entendu des noms. Alors les membres, alors la formation initiale du groupe, il y a 22 ans. On va raconter l'histoire. Je voudrais pas te contredire. Ouais. Moi, j'essaie de calculer moi aussi. Hein. Je sais pas, je suis nul en maths. C'était moi et FX du coup, parce qu'on est depuis l'origine dans le groupe. Willox, qui était le deuxième guitariste, et Loïc, qui était à la basse à l'époque. Et après, suite au départ de nos deux compères, bah, du coup, il y a Norman qui nous a rejoint, Christophe au chant, Norman à la basse, Christophe au chant. Il y avait Mathieu à la guitare, et du coup, bah, il n'y a plus Mathieu maintenant, et c'est Christophe qui repère la guitare. D'accord. Qui fait guitare, rythmique et chant. Donc là, c'est la formation actuelle. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans le line-up. Hein. Mm-hmm. Et donc, vous avez eu envie de faire de la musique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Parce que, bon, des musiciens, il y en a énormément. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Votre musique, c'est ça? Ouais, de toute façon, on a toujours fait que notre musique. Ouais. Vous n'avez jamais fait de reprise ou... Non. Vous avez envie de composer? C'est ça, fait que composer. D'accord, bah, c'est super. Et puis, bah, l'envie de faire de la musique, l'envie de passer bon moment avec les potes. Parce que là, la question, c'est l'envie de faire de la musique. C'est spécialement pour Neutol ou faut remonter à la petite enfance parce qu'on fait tous de la musique depuis longtemps. Après, vous pouvez aussi raconter justement comment vous êtes tombé dans la musique. Hein. Ouais. Ça a été quand vous étiez petit, non? Non, moi j'avais 17 ans. Ouais, toi t'avais 17 ans, ouais. Ah non, moi je fais de la musique depuis que j'ai 4-5 ans, quoi. Mais je faisais de la flûte à bec. Ouais. Beaucoup de gens commencent à faire ça. Il a plus le droit. J'ai fait un gros cursus, bah j'ai plus le droit, j'ai d'autres groupes dans lesquels je m'en sers encore. J'ai fait un gros cursus de flûte à bec. Nous on lui met avant d'être batteur. Mais bon, oui, après forcément, non, on avait tous déjà des formations à l'époque où on a monté. Neutol, donc on était déjà tous dans le mode compo, répète, concert occasionnel, très occasionnel, hein, plus que ton est gamin, mais et puis bah ça s'est monté comme ça derrière. Après c'est une grande histoire d'amour maintenant le groupe. Ah bah oui, déjà un groupe, pour que ça tienne longtemps, il faut que les membres s'entendent bien entre eux et qui est bon. Il y a des groupes comme ça qui font ça que pour la musique. Au bout d'un moment, je crois que bon, c'est faut aussi qu'il y ait de la camaraderie, faut aussi que Et puis, qu'on aime bien être ensemble. Non, voilà. Bah moi j'ai pas de potes, j'ai que des clients. Hein. Par contre après c'est vrai que là pour le coup. Il a piqué ma réplique. Ah j'ai piqué celle de Joe surtout. Ouais. D'accord. Non, mais oui, après, moi, comme je dis souvent, il y a longtemps que je l'ai compris que j'en vivrais pas et que de toute façon, je n'allais pas me prendre la tête avec ça. Je fais vraiment de la musique pour me faire plaisir. T'en as quand même fait ton métier, quoi. Oui, mais pas. J'en vivrais pas, c'est le seul qui vit de la musique parmi nous. Mais... Oui, mais pas en étant sur scène. Pas en étant sur scène, mais en étant derrière la console. C'est ça. Exactement. D'accord. Donc, voilà, et du coup, maintenant, c'est vraiment pour le plaisir. Et on se fait plaisir. Je crois qu'un musicien, s'il essaie de faire ça pour l'argent, il a pas compris au départ. Après, si ça marche, tant mieux. Hein, pour le dépenser, voilà. Si ça marche. Oui, pour le dépenser, oui. Ah, voilà. C'est bon. Ah bah oui, ça. Bah ça, le musicien pour dépenser du fric, on y arrive vachement bien. Ah bah il y a le matériel. Après, il faut se déplacer. Après, il faut se débrouiller. On en gagne souvent vachement moins que ce qu'on dépense. Voilà, souvent, c'est ça. C'est un peu par passion aussi, mais bon. Mais bon. C'est pareil. Il faut aussi quand vous allez dans des endroits, vous faire rémunérer quand même, parce que forcément, c'est du travail. Donc bon, il faut quand même que au moins ça vous paye un petit peu le. Oui, on fait là-dessus. Ouais. Voilà. Bah, puis pour pas desservir un peu tous ceux du milieu aussi qui se font vraiment payer parce qu'ils en vivent, c'est vrai qu'on va pas brader comme on voit souvent un cafconce qui prend 200 balles pour faire un c'est rigolo, mais c'est pas c'est vrai que c'est pas ça quoi. On connaît les réalités des chiffres, on sait que c'est pas des musiciens qui ont travaillé, qui ont répété, qui ont fait un album, qui ont machin. Ils vont sur scène et on leur jette la pièce. Voilà. Non, c'est vrai qu'il vaut mieux aller dans le sens. Mais encore une fois, nous on fait vraiment pas ça pour ça. Ouais, tout à fait. Mais on joue pas gratos. Ouais. Non, mais ça c'est quelque chose que je veux. Bon, le sujet est revenu plusieurs fois ici dans l'émission. C'est vrai que bon, après il y a des choses, il y a des petites nuances qui peuvent se faire, c'est-à-dire que vous pouvez jouer pour des associations ou des choses comme ça pour vous faire connaître ou des tremplins, des trucs comme ça. Ça c'est une chose. Mais par contre, à partir du moment où les gens gagnent de l'argent sur votre dos, puisque ça peut être un restaurant, ça peut être un bar qui vous fait jouer, ils vont gagner de l'argent parce que les gens viennent vous voir et puis au même temps ils consomment un petit peu. Donc la moindre des choses, c'est au moins d'en donner un petit peu aux musiciens. C'est ce que je veux faire comprendre, quoi. Ah bah, donc il faut partager un petit peu ça. Après c'est vrai que les rockers ne boivent pas, mais bon. non jamais. Hein. La limonade. Très bien. Donc on en sait un petit peu plus sur le groupe Neutol. Ça signifie quoi Neutol? Alors en verlan, ça fait lation. D'accord. Ouais, non, ça c'est vrai que c'est ce qu'on a toujours dit parce que c'était très très marrant, mais sauf que j'avais 16 ans quand j'ai sorti ça. Non, d'accord. C'est Julia qui avait sorti ça. Première interview radio. Neutol à l'envers, ça fait l'action, ce qui est pas faux. Mais Neutol, en fait, c'est une contraction à la base. Hein. Nous, on l'a pris. C'est simplement que ça nous sonnait bien. C'est un titre de No Use for a Name. D'accord. Une des grosses influences du Neutol des années 2000, on va dire. Des années, je parle 99-2000, quand on faisait du hardcore mélo. Et c'est vrai qu'on était influencé par ça. On a trouvé le nom sympa, Neutol, sans d'abord avoir la traduction. Après, on a vu que c'était une contraction pour... c'est un gars qui a la grosse tête. Un no, c'est no, le verbe, voilà. D'accord. It, all, il sait tout. Et ils ont fait une contraction, comme ça, pour faire les mecs qui savent tout, quoi. Donc, ouais, mais c'est pas votre cas du tout, ça. Mais justement, si. Et, vu qu'on est en France, et que personne comprend, et ben voilà, on s'est bien foutu de la gueule du truc, parce que pendant quasiment 15 ans, on l'a quand même écrit avec un tréma sur le i, pour que les gens arrêtent de dire Noitol ou Noital, pour que ça dise, qu'ils disent vraiment Neutol, quoi. Ce qui a pas forcément fonctionné, hein. Ce qui a pas forcément fonctionné. Même le tréma, on le voyait pas finalement, on l'a viré. Mais à la base, ouais, c'est ça. En fait, on a pris le nom, c'était vraiment par rapport à la sonorité, ça sonne bien, c'est simple. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Et voilà, quoi. Après, bon, quand on a vu la traduction, on s'est dit merde, c'est peut-être pas ça. Donc, du coup, on s'est dit on met un tréma, comme ça veut plus rien dire du tout. Et le coup de la fellation, en fait, c'est que c'est une copine à nous en interview radio, quand l'animateur nous a demandé ce que ça voulait dire, qu'elle a sorti ça de. Nous on était à côté, on a explosé de rire et du coup on a dit c'est magique. J'imagine. Ouais, Neutol à l'envers, ça fait l'action. D'accord. Ok, donc vous avez parlé un peu du style de musique que vous faites. Alors quel style vous faites exactement? Déjà c'est du rock, hein. On va dans le rock déjà, et bon. Après le rock c'est bien. En fait, coller une étiquette c'est toujours un peu compliqué, quoi. Parce qu'on a des influences assez multiples. Et on s'est jamais dit, on veut jouer absolument dans ce style-là. On écrit ce qui nous vient. Il y a des influences de plein de choses. Tant dans les compos que dans le son, on n'a jamais cherché à ressembler. C'est vrai qu'on a, le fait d'avoir plein d'influences. De toute façon, c'est toujours riche dans un groupe. Et là, on est quatre à écouter presque chacun un truc différent de chaque côté, quoi. On a des choses qui nous rejoignent. Hein. Là, on en a mis sur la playlist. Là, on a des morceaux qu'on va écouter au fur et à mesure. Voilà, on se rejoint vachement. Le côté mathématique, un peu. On aime bien un peu la symétrie. On aime bien, voilà. Donc, c'est du rock. J'arriverai pas à dire quel style de rock. Rock prog, peut-être un peu prog, ouais. Et encore, même pas. Parce que ça veut rien dire. C'est un mélange de rock, de punk californien, de heavy metal. Ouais, il y a encore nos origines hardcore mélo de l'époque quand même. C'est un melting pot de tout ça avec des côtés un peu plus rock. En fait, on n'a jamais su se coller une étiquette. Et puis en fait, ça nous emmerde profondément. Oui, à l'époque, quand on faisait du hardcore mélo, on le mettait fort sur le truc. Oui, il y a 20 ans. Ça donne une direction, mais bon, après, ce qu'il faut, c'est écouter déjà. Bon, c'est ça. Un jour, on va écouter, on va dire ça, c'est du Neutol. Voilà. Peut-être. C'est ce qu'il faut. Hein. Après, chacun fait son style. Mais... si on écoute, par exemple, je pense à un groupe de Queen, par exemple. Queen, quand on écoute, on dit c'est Queen, mais bon, ils font très bien de la musique. Il y a plein de styles dans leur truc. Oui, ça, il y a des groupes qui ont des vraies identités. C'est ce qui est bien aussi, quoi. Mm-hmm. Quand un groupe a son identité. C'est un peu ce qu'on nous dit aussi, c'est que nos morceaux, en fait, sont tous relativement différents, mais il y a une. Il y a un fil conducteur entre tous, quoi, en fait. Ah, le fait que tu te colles. On connaît la patte. En fait, tu te colles quand même pas mal à la compo des plans de base. La patte qu'on a, qui est commune, je trouve, sur nos morceaux, c'est beaucoup la guitare. Qui reste. On reconnaît ta patte, quoi. Voilà. Et ça donne l'identité un peu du son, je pense, de la direction. Parce que nous, on se colle derrière. Bon, bien sûr, on arrange, on fait. Les compos de Neutol sont toutes faites en commun. Il y en a pas un qui arrive avec une chanson complètement finie qui dit c'est celle-là et voilà. On donne souvent une base et puis après c'était la question que j'allais vous poser. Comment vous faites pour composer? Donc c'est tous ensemble. Il y en a un qui amène une petite musique, l'autre qui amène une idée. Ça part de riff que j'amène moi ou Dov qui a l'autre guitare ou là dernièrement Norman a ramené un plan de basse. Voilà, ça peut être n'importe qui. Mais de toute façon c'est impératif. Les morceaux sont composés à tous les quatre. Et pour moi, c'est ce qui donne l'âme d'un groupe, en fait. Ouais, tout à fait. C'est que chacun a mis sa pierre à l'édifice, et du coup, moi, c'est ce qui me fait vibrer, en fait. Et logiquement, on va dire au moins à 99% du temps, on est bien tous d'accord sur ce qu'on, voilà, que c'est ça, que c'est efficace, et il n'y en a pas un qui dit, ce plan-là, moi, je l'aime moins, ou alors sinon, on arrête de jouer, ça arrive, hein, souvent quand des fois, on se tape, hein. Ouais, ça on se tape, ouais. Là on se tape, ouais. C'est vrai que moi je suis en bagarre. Mais c'est moi le plus fort, donc je m'en fous. Ouais, mais moi j'ai des baguettes. Voilà. Non, mais j'imagine des fois des... Bon, justement la semaine dernière, Jimmo m'avait dit ça. Il joue dans plusieurs formations et dit moi, j'avais des trucs à offrir et puis les gens ils m'ont dit non, c'est pas, ça va pas dans le site tout ça. Donc il a tout gardé. Il a fait un album personnel. Donc après ça peut être une idée aussi, c'est-à-dire que bon, ça marche pas dans un projet, mais l'idée est bonne et je vais plutôt la faire dans un autre projet. Bah, après c'est ça. Oui, il faut que ça plaise à tout le monde. Hein. Ça, on ramène on ramène les plans, on en discute. Voilà, ça plaît. S'il y a un plan qui plaît pas forcément à tout le monde, bah, du coup on met de côté. On peut l'améliorer, on peut le modifier pour exactement, que ça plaise quoi. À tout le monde. Ou alors vraiment ça passe pas et puis. On se dit, bon, des fois on le laisse dormir ça dans les tiroirs et puis on le ressort dans quelques années. Hein. C'est exactement ça quoi. Ouais, ça nous arrive. Ouais, c'est vrai qu'avec les moyens qu'on a maintenant, hein, on peut pas quand on se remet à 20 ans en arrière, on enregistre encore sur cassette. Là maintenant, c'est vrai qu'on a le PC avec des micros. On va expliquer pour les jeunes, les cassettes, c'était des petits boîtiers. Le truc qu'on remontait avec un crayon. Il y avait une bande dedans. Voilà, il y avait une bande, ouais, c'est ça. C'est le truc qu'on remontait avec un crayon, on l'avait tourné comme une crécelle. Mais nous, on avait un 4 pistes Tascam à cassette. C'était quand même. C'était le top à l'époque. Ah bah, on pouvait mettre un micro devant la batterie, devant chaque guitare. Ouais, pour les jeunes, moi j'ai enregistré sur des Revox. Des Revox. Des Revox, la marque, oui. Oui, bah c'est ça. C'est une marque. Très bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont réputés surtout pour leur magnétophone, donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'achètent plus ça, hein, beaucoup de personnes. Mais bon, pendant un moment, c'était la référence quand même. Ah bah, c'était oui. des références, les la bande, Revox, ouais, les quatre pistes, même plus que ça, il y en avait sur bande. Jusqu'à 24 pistes sur bande. Hein. Donc c'était un coup, hein, chaque enregistrement et tout ça. Ouais, sans droit à l'erreur, ouais. Ouais, et puis si on se plantait, bon, voilà. Il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas une bonne colle et des ciseaux, mais alors là. Donc voilà le truc. Aujourd'hui, on a quand même la facilité d'enregistrer chaque piste et puis de les mixer, les décaler, mettre des effets. On peut faire un tas de choses comme ça à la maison. Alors qu'avant, on allait dans les studios et ça coûtait très cher. Et puis le revers de la médaille hein, sur ce truc-là, c'est-à-dire que maintenant n'importe qui, même avec un niveau un petit peu un petit peu médiocre, il va sortir son truc et puis il va avoir foutu son autotune. Et puis donc c'est vrai que ça permet à tout le monde de sortir quelque chose. Tu penses à quelqu'un en particulier? Non, j'ai pas du tout de OSDM. À nous. À nous. L'autotune. Autotune. Ah ouais, il y en a, ils en abusent. Bah, on a essayé, nous, hein. Oui, alors après, maintenant, c'est plus devenu un effet que. Oui. À l'origine, c'était pour corriger défaut de tonalité, on ramenait un petit peu, et puis hop, c'était bon. Une fausse note, hop, on l'a ramené un petit peu. Aujourd'hui, finalement, on s'en sert pour carrément modifier le son, on a l'impression qu'il parle un peu dans un aquarium, mais bon, après, c'est. Un aquarium, mais qui se casse la gueule. En plus. Je propose qu'on écoute un premier morceau de vous. Fais-toi plaisir. Alors déjà, il y a un album que vous m'avez apporté qui s'appelle Free Your Mind. Le dernier en date. C'est le dernier en date. Il y en a combien en tout? On n'est pas très riche en album, nous. Ouais, mais bon, après c'est... Le premier album est sorti en 2001. Alors tu parles... Ah oui, l'album, oui. Ouais, parce qu'on avait une démo avant. On avait une maquette qui s'appelait First Strike, qui est sortie en 2000. Oui, en 2000, on s'est rencontrés, on a enregistré direct. Bah, t'avais gagné un truc aussi. On est des fous. Voilà, ouais, mais fou. On a enregistré. Il faut commencer. On fait tout en speed, nous. Ouais. Après, on regrette, mais on fait tout en speed. Après, quand j'écoute, je regrette un peu. Mais ouais, du coup, n'allez pas fouiller les gens. On va les rechercher. J'ai failli les ramener. J'ai dit, mais pourquoi je me tirerais une balle dans le pied? Je suis con. Non, mais des fois, c'est marrant pour voir aussi. Mais quand t'es pas le chanteur, c'est facile à. Tu vois, j'aurais été que le batteur à l'époque, mais à l'époque, il m'avait collé au chant avec. D'accord. Et la voix de prépubère, là, elle est compliquée à entendre, quoi. J'avoue. Après, c'est rigolo, quoi. Mais c'est rigolo. Ça a des bons souvenirs, hein, tout ça. C'est ça, ouais. Et du coup, après, on a fait deux démos entre-temps. Et on avait refait un truc, autoprod. Mais qui a pas pu sortir parce qu'on avait splitté à ce moment-là. Et ben, on avait perdu 2 sur 4, hein, donc forcément. Il y a un album, en fait, qui avait commencé à être enregistré, qui a pas été fini. Voilà, et puis qu'on est en train de peut-être repréparer du coup, avec l'ancien bassiste. Voilà, ça il c'est... a du coup une activité à côté, donc on a un peu remis en stand-by, mais c'est en vue de réenregistrer ces morceaux-là pour en garder une trace. Et puis maintenant, il est quand même bassiste de double négative, alors c'est un peu compliqué, je pense, pour lui, mais bon, mon Lolo, hein, si t'écoutes cette émission. Mais on finira ça. On finira ça. Il n'y a pas d'impératif dessus, mais on a envie de se faire ça pour nous. Pour un espèce de Neut Old School ou Remember. On va y trouver un titre à la con comme ça. Mais ça va être. Et du coup, là, l'album Free Your Mind qui est sorti en 2019. Qu'on a vachement pu défendre avec tout ce qui est. Voilà. Qu'on a vachement pu défendre. Oui, il est vachement sorti. Ah, il est sorti. On a fait au moins deux concerts depuis. C'est ça. On a fait le concert pour les 20 ans. Voilà. Et puis après, tous les autres sont tombés à l'eau. Ça a été un petit peu ce que tous les artistes ont rencontré dernièrement. Là, apparemment, ça commence à se décanter un petit peu. On commence à parler de concerts, on commence à parler. Oui. Donc bon, j'espère que cette fois-ci, on ira dans le bon sens. Et après, il y a aussi quelque chose. Moi, j'ai un petit coup de gueule à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de concert. Donc tout le monde dit, ouais, il n'y a plus de concert, on peut plus aller nulle part. Mais avant qu'il y ait le Covid, il y avait des gens qui se décarcassaient aussi à faire des concerts. Et il faut y aller. Quand c'est comme ça, c'est pas le tout de dire, il n'y a pas de concert, j'y vais pas. Mais quand il y en a, il faut y aller. Parce que bon. Parce qu'il y a des fois, moi, j'arrivais dans des salles où je me suis dit, bon, il n'y a pas grand monde et ça méritait beaucoup plus de personnes. Donc après, il faut aussi sortir. Et je trouve que c'est super d'aller au concert, de voir les gens, de discuter avec eux. Et puis on rencontre plein de gens. Et puis voilà, on passe un bon moment. Et on boit des coups. En plus. La limonade. On en revient à la limonade. C'est important. Un bon vieux panaché. Voilà, donc on écoute le premier morceau. Alors c'est pas le premier morceau de l'album, puisque le premier c'est vraiment une introduction. Le premier morceau a une introduction. Ouais. D'accord. Shell Soldier, en fait, il y a une introduction avant, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc on aurait pu les envoyer les deux à la suite. De toute façon, c'est le même morceau. Il y a pas de trou. D'accord. Donc, si tu veux envoyer Shell Soldier, t'envoies Shell Soldier. Bon, on va essayer en espérant que le lecteur lui veut pas s'arrêter entre les deux. Bah s'il s'arrête, on le renvoie. Ah oui, ça s'arrêtera pas entre les deux. C'est le même morceau. D'accord, bon, on va faire comme ça. Donc ça s'appelle Child Soldier. C'est ça. Exactement. Et juste après. Ah bah c'est, Sex Soldier. C'est le deuxième. Ah d'accord, ok. C'est moi qui n'avais pas compris. Je comprends pas tout. Il faut m'expliquer. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer. Non mais c'est pas grave. J'ai bien vu que tu étais plus vieux que moi. Bah oui, c'est ça. Après, tu sais, l'âge, ça joue aussi. Hein. Bon, on écoute le premier morceau, donc Child Soldier, et c'est tiré de l'album. Free Your Mind des Night Owl qui sont nos invités de cette émission numéro 994. Stand. God will PT you all and take your fucking dog. Night Owl est sur Radio Arc-en-Ciel. Donc le premier morceau de cet album, Free Your Mind, voilà, je vais y arriver. Night Owl, donc, c'était un morceau qui s'appelle Child Soldier. Et les Night Owl sont dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous raconter un petit peu l'histoire de cet album-là, puisque c'est un album qui est sorti donc en 2019, pile poil au moment où il y a le Covid. Hein, il fallait, voilà. Donc vous défendez toujours cet album-là, et c'est un album que vous avez fait donc en combien de temps? Vous avez mis beaucoup de temps à le faire, ou ça s'est enregistré très rapidement ou... Ouais, on est un peu suisse, nous, on n'est pas très rapide. Hein. D'accord. C'est l'avantage aussi de le faire à la maison, c'est vrai qu'on n'a pas la pendule. Hein, Ouais, il n'y a pas la pression, le temps de studio, tout ça. Non, donc... non, on n'a jamais enregistré sous pression, ça marche pas. Enfin, ou alors il y en a qui arrivent, hein, qui font des très bonnes choses, sûrement, mais pas nous. Nous, on n'a pas fait comme ça. On a la chance d'avoir le studio, c'est la salle de répète, en fait. Donc c'est... Ah, c'est l'idéal, vous arrivez, vous avez juste à brancher les instruments et ça marche. Ça, c'est super aussi pour la compo, ouais, parce qu'on enregistre au fur et à mesure de la répète. S'il y a un truc qu'on a trouvé bien, mais qu'on se rappelle plus, il est là. D'accord, ah bah super, ouais, c'est vrai que c'est la meilleure manière de travailler. Hein. Donc, vous l'avez fait enregistrer en combien de temps? Ouais. Je dirais au moins 2 ans. Au moins 2 ans. On a pris 2 ans pour le faire. Oh oui, au moins, oui. Ah bon? Ah oui, bon, c'est petit. Oui, parce qu'on a enregistré les trucs, après on a dit, ah, peut-être que ce plan-là, machin... On a fait pas mal d'édits, ouais. C'est aussi le risque de le faire à la maison, du coup, de pas être pressé par le temps, c'est que, bah, du coup... bah, ça traîne. Ça traîne, et puis du coup, on se dit, ah, peut-être que ça... On va peut-être le changer, ou l'améliorer, ou refaire autre chose, et puis, ouais. On refait des prises, on fait des tests. Bon, finalement, ça a donné les chansons, c'est vrai que maintenant, elles sont... à une vache près, hein, elles ont pas trop bougé. Maintenant, on les joue toujours pareil. Bon, c'est vrai que là maintenant il y a la compo qui arrive, parce que étant donné qu'on avait le temps, on s'est mis à composer, donc on est déjà un peu plus de la moitié d'un nouvel album là. D'accord. Donc c'est. Il est prévu pour quand? Celle d'après, je sais plus. Normalement c'est la semaine dernière. D'accord. Non mais ça mettra peut-être là, on en parle maintenant, puis on se revoit dans 2 ans pour la sortie. Il y a pas de souci. Hein, bah ça, de toute façon, vous rentrez ce soir dans la Mavericka Family. Et, bon, vous y étiez déjà un petit peu parce que je diffusais déjà vos morceaux. Et on t'en remercie. Quand vous avez quelque chose à dire, quelque chose à défendre, bah vous revenez dans les studios, hein, vous êtes toujours les bienvenus. Hein. Voilà, vous faites partie maintenant officiellement. Hein, j'ai un diplôme à vous rendre à la fin de l'émission. Okay, super. Là, c'est avec plaisir. Donc là, pour l'instant, on va parler de cet album-là, mais effectivement, vous avez déjà la moitié qui est déjà composée pratiquement. Oui, je crois qu'on vient d'attaquer la cinquième compo. Là. Non, on a fini une cinquième, vous voulez attaquer une sixième, là, mais, ou un truc dans le genre. Mais... Enfin, la cinquième là, est très très ébauchée. Enfin, elle est... Ah, il est en cours. Ben oui, non, c'est celle-là. Non, c'est et là, pour les morceaux de cet album-là, quand vous êtes arrivé en studio, vous les aviez déjà? Vous aviez choisi les morceaux? Ou ça s'est fait au fur et à mesure? Ouais, non, en général, on écrit les morceaux au fur et à mesure, et puis... Ouais, là, mais quand on a enregistré, quand on s'est mis à enregistrer, les chansons existaient déjà. Elles ont juste été un peu modifiées. C'est ça. Pour certaines. Voilà. Oui, et après, c'est à l'écoute aussi, des fois. Quand on enregistre, on se rend mieux compte, après avoir écouté, peut-être plus efficace... En passant en mineur, là, machin. Une tierce, ça sera mieux qu'une quinte. Enfin, voilà, on s'en rend un peu compte. Vous me parlez en chinois, là, moi, j'y comprends rien. Bah, c'est encore une fois. Je te rassure, moi non plus, c'est juste pour faire style. Hein. C'est encore une fois le gros avantage d'avoir le studio à la maison et de, justement, de pouvoir enregistrer, de prendre le temps d'écouter. Et du coup, de vraiment analyser ce qu'on a fait et de se dire, bah, ouais, peut-être que ce plan-là, si on jouait plutôt comme ça, ça passerait mieux. Les tempos aussi qui ont été durs à revoir les tempos aussi. Étant donné qu'en plus, on a. Là, sur cet album-là, ouais, il y avait pas mal de changements et de signatures et de tempos. Donc, ouais, non, ça va être encore du chinois. Non, ben voilà. C'est... Tempo encore, on comprend. C'est vrai qu'après. La signature, c'est juste que soit des fois on compte jusqu'à 4 pour faire une mesure et puis des fois on compte pas jusqu'à 4. Alors c'est souvent on compte pas jusqu'à 4. Moi, j'arrive pas à m'arrêter à 4. Non, il sait pas compter. Ça, en fait, il veut pas le dire. J'ai un gros problème, j'arrive pas à m'arrêter à 4. Il fait une mesure, il dit, il y en a 6,5, je sais pas ce que ça fait. Bon, bah, ouais, et bah, c'est pas grave, on va faire du 13,8. C'est ça. Non, mais bon, on a inventé des trucs. Il y a même un truc, c'est quand même une anecdote sur ce CD, c'est qu'il y a un plan qu'on n'a pas pu enregistrer. Il y a un plan à cause de ça, justement, à cause d'une mise en place, d'une structure, d'une boucle qui ne voulait pas tourner. On n'a jamais réussi à cliquer comme il faut cette parce que c'était une ritournelle qui était un peu c'était presque c'est de la symétrie mais indienne. Voilà, c'est pas la même. Ça tournait super bien en live, mais quand on a voulu l'enregistrer pour vraiment que ce soit ça tiquait au niveau des tempos, il y avait un truc qui passait pas, ça c'est bancal quoi, dès qu'on essayait de le cliquer, ça devenait bancal, ça il y avait plus le côté fluide du jeu naturel quoi. D'accord. Donc du coup, on a fini par l'abandonner. Ah bah oui, il y a le côté technique aussi. Hein. Des fois, il y a des choses, des idées, mais peut-être que vous allez revenir dessus et vous allez finir par trouver le petit truc qui va faire. Peut-être qu'un jour, ça ressortira et qu'on arrivera. Ah, on fera une intro et on la fait plus maintenant. Mais oui. Peut-être, on sait jamais. Donc cet album, il a 12 titres. Donc 12 titres, c'est un vrai album. Hein, c'est un vrai album. Et en plus, on peut l'ouvrir voilà, en deux, hein, parce qu'il y en a certains, c'est des pochettes comme ça. Là, c'est carrément un vrai album. Cet album-là, on peut le retrouver où? En vente auprès de nous, soit par le biais de Facebook ou sur Bandcamp. Après, il est disponible sur toutes les plateformes, on va dire standard à l'heure actuelle. Deezer, toutes les plateformes d'écoute, téléchargement, streaming, etc. Exactement. Et après, si les gens sont intéressés, ils peuvent nous contacter directement par Facebook. Ouais. Donc c'est Neutol, c'est ça, deux fois. Hein. Le Neutol, c'est Neutol Band sur Facebook, non? Non, c'est Neutol Band, oui. Neutol Band. Ouais. Ouais, mais j'avais vu quelque part Neutol, non, je sais pas où, peut-être. Ouais. Bon. Donc, de toute façon, Neutol, il doit pas en avoir 36, donc, on vous trouve sur Facebook, on vous contacte et vous l'envoyez, ou alors après, il faut aller à vos concerts. C'est ça. Ouais, c'est ça. Concert, nous, on aime bien ouais. le contact humain, donc, du coup. Bah, surtout qu'on a une merch girl, là, qui a pas encore, On va la faire parler aussi un petit peu. Parce Madame qu'elle est la présidente est là, avec nous, elle a pas encore parlé, mais c'est aussi. C'est Aurélie, c'est grâce à elle que j'ai connue, hein, donc. Mais c'est grâce à elle que beaucoup de monde nous connaît maintenant, d'ailleurs. Voilà, elle fait bien son travail, hein. Et puis elle le fait gratuitement. Ah oui, c'est ça qui est bien. Ah non, ça, ils savent pas. Après ce qui se passe chez vous, vous vous démerdez, nous. Ouais, voilà. Moi, j'ai rien dit. Ok, donc bonjour Aurélie, hein, bonjour. Et merci d'être venue dans l'émission Mavrika. Donc toi, tu es à peu près le cinquième membre de ce groupe. Plus ou moins. C'est la Woman's Touch. C'est ça. Ouais. Mm-hmm. C'est presque le premier membre hein, du groupe, maintenant. Elle s'occupe beaucoup de la com, en fait. Voilà, bah, comme ça. Et chose puis, que nous, on sait pas faire. Tu nous as fait aussi découvrir PLS. Oui. D'autres groupes comme ça que tu connais ou... Il y avait les Band to Burn du coup. Ouais, Band to disons Burn. PLS, c'est pas mal, c'est que on joue ensemble dedans. Donc elle l'a fait découvrir. Ouais, c'est. Oui. On s'est fait un peu de pub. C'est un groupe qui est pas encore sorti mais qui va arriver. Qu'on a ensemble. Ouais. Et puis elle en avait envoyé plein, mais je vais te laisser parler. Oui, il y avait Adrenaline Motors aussi. Ouais, là il y a plein de noms en plus dans l'album, j'ai lu tout à l'heure, plein de groupes qu'on a passé déjà dans l'émission, qu'on connaît bien certains. Et là je vois Burn to Burn, le groupe Yeti, qu'on connaît depuis longtemps. Ah bah oui, c'est les copains orléanais quoi, avec qui on fait un gros coucou, s'ils nous écoutent. Hein. Ouais, un groupe que je suis depuis déjà pas mal d'années, qui sont déjà venus à deux reprises ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel, et c'est toujours un plaisir de les voir sur scène. Adrenaline Motors, que j'ai déjà diffusé, la mécanique des sourds aussi, que j'ai eu l'occasion de voir en concert. Après, tout ça, c'est la famille. Olive Moncoin, ce que je ne connais pas. Tu vois, maintenant, Olive Moncoin à découvrir, c'était très beau. Maintenant, c'est le bassiste de PLS. D'accord. On reste en famille. Alchimie, Motorize, voilà. Johnson Concorde, que j'ai interviewé aussi. Les enfants aussi. De Panurge, c'est les enfants, copains. Monsieur Dame, Panic Motel, Real Deal. Ah, voilà, ouais, donc, Real Deal, ouais. Là, on a vu pas mal de gens, déjà, qu'on connaît dans l'émission. Les enfants de Panurge, effectivement, aussi, qui ne sont jamais venus dans l'émission Mavrika. Ah oui, ils ont été diffusés. Il y avait le groupe Jartel, voilà, on connaît le... Voilà. Avec Morgane, le chanteur. Avec Morgane, tout à fait. Et les enfants de Panurge, pourtant, ils sont jamais venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale. Par contre, ils ont participé déjà à Mavrika Live, voilà. Ah, donc, ils avaient fait ça, oui, d'accord. Ils étaient venus, on les avait invités, ils étaient venus, et puis on devait le faire, et puis ils sont toujours les bienvenus. Envie de venir ici pour. Ah voilà discuter. Les copains, l'invitation est lancée. Les copains, voilà, l'invitation est lancée. Hein. De toute façon, nous, on est ouverts. Franchement, depuis qu'on fait cette émission, on a déjà reçu, je sais pas combien, 200 projets différents. Il y en a qui marchent plus, il y en a d'autres qui sont nés entre temps. Et puis après, on retrouve des musiciens et on connaît un tel. On voit que finalement, le cercle des musiciens. Oui, c'est assez marrant. Bah, c'est vrai que je vois la liste de remerciements sur le CD. Ouais, ça. Oui, c'est vrai que c'est vraiment la famille. Hein. Y a beaucoup de gens qui ont joué les uns avec les autres ou qui sont sur la... Là, on parlait de la mécanique des sourds, par exemple. Bon, c'est de ça qu'est né PLS, en fait. C'est un groupe qui n'existe plus, dans lequel j'étais batteur aussi. Ouais. Et quand ce groupe-là s'est arrêté, on a monté PLS. Et puis, il y a le Olive Moncoin. Il est rendu à la basse, là. Enfin, ouais, voilà. On arrête pas. C'est des gens que vous connaissez. Adrenaline Motor, qu'on te remercie de passer aussi. Vraiment des super potes. quand ils sont venus me chercher en août 99, pour revenir au début du truc, je jouais avec le bassiste chanteur d'Adrenaline Motor. Le monde est petit. Et j'ai eu un groupe pendant presque une dizaine d'années avec leur guitariste rythmique, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours la famille un peu. Alors peut-être qu'on s'ouvre pas assez, hein, mais en tout cas on est déjà pas mal entre potes. Oui, après, et puis là c'est des gens avec qui vous avez partagé des concerts, des gens que vous connaissez. Avec qui on a bu énormément de limonade, ouais, tout ça quoi. Tout ça aide aussi, hein, c'est le contact, c'est la rencontre. Et puis après c'est pareil, il y a des gens, moi je sais pas si c'est pour vous c'est pareil, il y a des gens avec lesquels vous jouez et puis quelques temps après vous vous souvenez même plus et tout ça, et il y en a d'autres, vous accrochez tout de suite et ça devient des potes et puis vous les retrouvez à d'autres occasions et puis voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de partager une scène ensemble. J'ai pas connu quelqu'un avec qui ça me marquait pas et qui, tu vois, ça, moi, jamais. De toute façon, c'est que des frangins, quoi. Ouais. D'accord. C'est, ouais. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, un peu comme dans la vie en général, quoi. C'est après, ouais, ouais, le courant, il passe ou il passe pas. Ouais, ouais. Enfin, nous, ça fait 23 ans qu'il passe pas, quand même. Ouais, entre nous deux. Ouais. Enfin, parce qu'on essaie de faire comme ZZ Top. C'est comme les vieux couples, ils s'engueulent tout le temps, mais finalement, ils sont bien ensemble. Sinon, parce qu'il en a marre de faire la femme, du coup, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Ouais. Très bien. Alors, bon, bah, cet album-là, on peut vous le commander sur Facebook. Il faut aller vous voir en concert. Ou Bandcamp, hein. Le Bandcamp. Ouais, ou sur le Bandcamp. Et sur le Bandcamp, on a peut-être même, t'avais mis autre chose que les. Bah, ils y sont tous. Et puis, il y a les t-shirts aussi, non? Oui, il y a les t-shirts. Il y a tout, ouais. Voilà, donc les briquets, les casquettes. Et d'ailleurs, on se disait que si t'avais envie, on pouvait peut-être faire gagner un album et un t-shirt. Ah, il y a pas de souci, on peut faire deux personnes différentes. Ça, s'il y a des ça. Gens. Mais t'en as pas prévenu, on lance le truc. Ouais, on peut le faire. Donc maintenant, tu te démerdes à trouver le truc qui fait qu'il va falloir qu'il gagne. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut leur poser comme question? Une question. C'est toi l'animateur. Attends, on a proposé les cadeaux. Non, mais quand on aura beaucoup parlé, il y aura forcément un sujet qu'on pourra dire. Et qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? Et ouais, et si quelqu'un nous donne. Par exemple, pour le t-shirt, en quelle année est né le groupe? Voilà. On lance ça. Donc, on fait ça comme ça. Alors, moi, je vais essayer de regarder le numéro de téléphone. Il faut pas que je me plante parce que sinon. Donc, si vous savez la réponse, en quelle année a été créé le groupe Night Owl, le groupe invité de cette émission numéro 494. Eh ben, vous nous téléphonez au 02 38 43 48 00. Et c'est pour gagner le t-shirt. On commence comme ça. Voilà. Très bien. Ou alors après, si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez aussi nous envoyer un petit message sur Facebook. Je suis connecté, hein. Je reçois. C'est-à-dire qu'on n'a pas des voix bizarres à Norman, surtout. si vous savez la réponse, eh ben, vous gagnez directement un t-shirt. On fait comme ça? Non, on n'a pas des voix bizarres de ce que dit Norman. On a des voix. Bieillard. Non, mais c'est l'autotune que j'ai mis. Ah, c'est l'autotune. J'entends. Et les gens, ils aussi, apparemment. Les gens, ils entendent pas comme vous parlez, hein. Mais non, mais il a écrit, en fait, il a écrit comme moi. Si, non, normalement. Voilà. C'est pareil, on parle beaucoup. C'est vrai qu'on parle pas mal, hein. Et on n'écoute pas beaucoup de musique. On envoie un deuxième morceau? Ah bah avec plaisir, puis on continuera à parler en même temps. Oui, en même temps. Juste après, on se retrouve. Hein. Et après, on a encore plein de trucs à diffuser, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. En tout cas, on commence à vous connaître bien, et puis à connaître un petit peu le groupe. On sait depuis combien de temps vous jouez, donc depuis 1900 et quelque chose. Il faut trouver les deux chiffres qui suivent. Ah bah, et après, s'il y en a plusieurs qui donnent la réponse, on peut y mettre le mois avec, parce qu'on l'a donné. S'ils mettent le mois avec, là... pour des partager les gagnants. C'est pour départager les gagnants. On fait comme ça. On écoute le deuxième morceau de cet album qui est sorti en 2019 qui s'appelle Free Your Mind. Et le morceau s'appelle Loving and Starving. Ouais, tu le dis beaucoup mieux que moi parce que l'anglais. Voilà, très bien. Donc on écoute ce deuxième morceau du groupe Night Owl. We'll be right back. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 494e. On s'approche des 500, hein, comme on disait tout à l'heure avec nos invités des Noidol. Bon, là, on vient d'écouter un morceau d'un groupe que nous allons recevoir très bientôt. Alors, je regarde mes dates. C'est le 25 février. Le groupe Roraima et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Cold Spear. Voilà. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour continuer à découvrir l'univers de Noidol. Donc, on vient d'écouter un deuxième morceau de cet album-là. On a encore plein de morceaux à écouter, donc on va essayer de speeder un peu, parce que ça fait déjà une heure et il reste encore deux heures. Bon, on a encore un petit peu de temps. Alors, t'as dit qu'on était suisse, on n'est pas très rapide. Mais... et bavard. Ouais, mais on va prendre le temps. On va prendre le temps, on va découvrir plein de choses. Et puis, de toute façon, l'album, bah, je l'ai là, donc on pourra l'écouter dans les prochaines émissions. Si on n'a pas le temps d'écouter tous les morceaux, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. En tout cas, on va continuer à découvrir ce groupe, ce projet, le groupe Noidol. Alors on a un gagnant pour l'instant. On attend encore un petit peu de savoir s'il y en a d'autres pour départager. Il est presque gagnant. On attend de voir s'il y a quelqu'un plus exact que lui. Ouais, parce que apparemment c'est pas tout à fait le bon mois. Oh, il a bien corrigé. Hein, c'est bien la bonne année. C'est pas le bon mois apparemment. Mais voilà. Bon, pour l'instant il c'est le plus près. Donc si personne répond, c'est lui qui remportera. Alors vous pouvez encore nous appeler ou parler sur le Facebook de l'émission Mavrika, tout simplement. Alors la question, c'est quand a été créé le groupe Noidol. Voilà. Très bien. Donc on a parlé de l'enregistrement de cet album. Cet album qui est sorti donc il y a deux ans hein, maintenant. Ouais, ça fait même on est en 2022. Ouais, ça fait deux ans et quelques. Oui, deux ans et quelques. Ouais. Le temps passe vite. Hein, et donc il y a eu deux concerts depuis. Est-ce qu'il y a d'autres concerts qui sont déjà prévus ou est-ce que... Eh ben, on va laisser parler Aurélie. D'accord. Ouais, pourquoi pas, c'est notre chargée de com' là. C'est, bah ouais, c'est elle qui démarche donc pour les concerts, je suppose. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Aussi un peu. Et même des fois, elle démarche pas, elle se fait démarcher, donc c'est plutôt agréable. Ouais, justement. Bah ouais, justement, très bien. Donc là, le prochain concert de Noidol, ce sera au Fabulous Live 5, le 26 février, à Tours. D'accord. Donc voilà. Espace Janciana. Avec. Alors il y a Bazlab. Oui, les copains de Bazlab. Funky. Je connais pas les noms. Donc bon. C'est le Fabulous Live, de toute façon, le Fabulous Live 5. Là, ça vient d'être confirmé, entre guillemets, parce que avec les situations actuelles que tout le monde connaît, c'est pas facile, mais on a eu un super gentil message là de Fabrice qui s'occupe de justement le FMC, le Fabulous Metal Circus, c'est son bébé. Et qui est le bassiste d'un autre super groupe de Tours qui s'appelle Motorize. Des copains super super doués, super agréables à voir en live et à écouter. Leur dernier album, hein, tiens, pour ceux qui l'ont pas eu, qui est sorti quasiment comme nous, il y a alors deux ans. Oui, ça, l'année dernière, à l'époque. Ouais. Et qui est vraiment très bien aussi. Ouais. À découvrir, Motorize. D'accord. Très bien. Donc ce concert-là, est-ce qu'il y en a d'autres ou pour l'instant c'est... Oui. Oui, après on a une autre date en fait sur Saint-Aignan, mais par le biais du lycée où travaille notre chanteur en fait. C'est un truc un peu plus privé, on va dire. Et après sinon on joue au festival Rocking Chargé, à Chargé à côté d'Amboise le 11 juin. C'est ça. Si c'est bien maintenu, c'est le 11 juin. Ouais. Voilà. Okay. Très bien, donc voilà, ça commence un petit peu à venir. Ça commence à reprendre. Je pense que vous avez envie d'aller vous confronter au public, voir un peu les réactions ou non, ça démange forcément depuis deux ans. On est timide. Sans faire de scène, enfin quasiment quoi. Non, j'aime bien les lives, ce qui m'emmerde c'est le public. Ouais, c'est vrai, moi, D'ailleurs, si on pouvait mettre un plexiglas ou des grilles comme dans les grilles. Non, on a hâte pas d'en découdre hein, parce que c'est un peu, mais on a hâte De partager tout simplement quoi. Ouais, de partager, de c'est voir la réaction mieux du public, de partager, et de... Et puis vous êtes transporté quand il y a les gens qui sont là, ça contribue forcément. Un bon concert, c'est justement quand le public est content et les gens qui sont sur scène sont contents aussi. Et à la fin de chaque concert, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour discuter un petit peu avec vous? Est-ce que ça c'est un peu comme je pense tout le monde. Hein, je sais pas, j'ai toujours connu ça. Hein. On discute toujours un peu, enfin. Mmh. Et puis quand on a la chance d'installer une table de merch ou quoi et qu'on peut se mettre derrière et puis que du coup ça fait du contact. Oui, c'est jamais. On a pour l'instant, on n'a pas encore eu le droit à des grosses critiques. donc on a continué. Après, des critiques, ça peut être aussi constructif. Non, mais voilà, il y a eu ce petit truc là. De toute façon, toute critique est constructive. Voilà. Ou, non, parce que des fois, il y a aussi des gens qui disent de la merde, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça apporte rien. Moi, je personnellement, mais enfin, je pense que les gens qui se déplacent, qui vont voir quelqu'un, c'est justement pour lui dire que c'est bien, ou alors lui proposer quelque chose. Voilà. Oui. Mais c'est rarement négatif quand même. Hein. Je pense que si on n'aime pas, à la limite, on tourne les talons, on écoute autre chose. De toute façon, c'est tellement plein de bienveillance partout, quoi. Hein? Dans la musique, en fait. Hein. Dans la musique en général. Non, mais je peux prêcher que voir ma paroisse, je connais rien d'autre. Donc, Il vient un peu chez les bisounours, quand même. Non, mais ça va, franchement. J'ai jamais connu de. Voilà, les gens qui viennent nous voir, en général, c'est plus du positif ou du constructif qu'autre chose, quoi. Donc, ouais, oui, en effet, on aime bien discuter. Vous aimez bien discuter, parler un petit peu. C'est pour ça qu'on fout un peu la bourre sur l'émission. Non, non, il n'y a pas de souci. Hein, l'émission dure 3 heures, c'est aussi, on est assez confortable quand même. Tu vas voir. Bon, on envoie le troisième morceau. Parce que... Allez, go. Voilà. Donc, pour l'instant, on est toujours, toujours pareil. Ah, il y a 99. Non, il n'y a pas de nouvelles choses, à part si c'est là-dessus, mais ça m'étonnerait un petit peu. Dans les indésirables, des fois, il y a des drôles. Oui, non, c'est plutôt des bêtises, hein, dans les indésirables. Okay, oui. Ah ouais, donc, on va même pas regarder ça. Bon, pour l'instant, Je suis pas sûr que Warren, elle est intéressée par le t-shirt. On pourrait le lire. Non, elle nous fait des propositions. Oui, ouais, ça a l'air d'être, c'est un petit peu chaud, quand même. Ouais, on va peut-être vous laisser, d'ailleurs. Alors, ce genre de truc-là, effectivement, je réponds même pas. Donc, mais ça m'est déjà arrivé aussi, justement, d'avoir des gens qui me demandaient, en amie, c'est un petit peu gros, le truc. Eh ben non, c'était vraiment des artistes qui voulaient me contacter. Donc donc dans l'émission Marika aujourd'hui, on découvre donc le groupe Neutral. Cet album a été enregistré en 2019. Depuis, il y a eu 2 concerts. Là, il y en a 3 autres qui sont lancés aussi. Vous avez dit un petit peu les dates. On peut aussi consulter votre Facebook. C'est ça. Pour être au courant de ce qui va se passer, etc. Et un site aussi. Non, on n'a pas de site. Vous n'avez pas de site. C'est le Facebook. On l'avait fait à une époque. Le Facebook. Le Facebook. Est-ce qu'il y a un autre site ou un autre Le Bandcamp pour après, les coupes. Après, il y a le Bandcamp pour les coupes. Voilà. Ouais. La page YouTube où on n'est pas des gros fournisseurs de vidéos. Ouais. Vous pouvez vous abonner quand même et puis appuyer sur la cloche. Apparemment, c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai rien compris. Ça. Ouais, c'est-à-dire que dès qu'il y a une alerte, un nouveau clip ou quelque chose comme ça, les gens sont au courant et puis ils vont. Ouais, mais ça va être chiant, ils vont avoir un truc toutes les semaines et tout ça, chiant. Non, non. Ok. Dans les projets, on a parlé des concerts. Est-ce qu'il va y avoir on a parlé du prochain album, mais c'est encore un petit peu lointain parce que pour l'instant. Oui. Mais est-ce qu'il y aura un clip, par exemple, justement. On en parle. Un enregistrement. On en parle. Qui vous plaît bien, que vous avez envie de mettre en image. Vous en parlez. Si ça se trouve, vous cherchez les bonnes personnes pour le faire. On a du monde sous le coude, qui est des gens très doués autour de nous. Ça, c'est pas le problème. C'est juste nous, faut qu'on se mette d'accord sur. Sur quoi on le fait, comment Déjà, il y a 12 titres, donc lequel vous allez choisir Il y en a pas des très gros cadeaux en vidéo, donc du coup... ni d'un côté, ni de l'autre de la caméra, c'est le problème, en fait. C'est ça. D'accord, vous êtes plus des gens de radio, comme moi. Moi, c'est ce qu'on m'a dit des fois, que j'avais un physique pour faire ça. Un physique de radio, ouais. Et bande de cons qui valide. Surtout ma femme qui est valide à côté, ça me fait mal, ça. J'ai rien dit. Ouais, mais qui ne dit mot consent. Ouais. Mais oui, voilà. C'est. On en parle, c'est en prévision. Pour qu'on trouve le lieu pour le faire. Qu'on écrive un scénar, qu'on fasse un storyboard, qu'on fasse tout, quoi, en fait. On est d'accord sur l'idée, déjà. Mais 2 ans, tu sais, c'est le truc chez nous. Nous, c'est 2 ans. On a une idée, 2 ans après, il y a un truc qui sort. Voilà. Faut pas être pressé, mais on le fera toujours avec plaisir, avec beaucoup de passion. C'est la philosophie Revox, hein, donc c'est Suisse, ça. C'est ça. Exactement. Très bien. D'autres projets, est-ce que des fois, des choses auxquelles je ne penserais pas, que vous avez envie de faire ou que vous avez prévu de faire? Non, il n'y a rien d'autre. Là, pour le moment, pas forcément. Quoi. C'est l'écriture C'est l'écriture pour le... Voilà, on écrit... On s'était entre guillemets contenté de ça parce que vu qu'on avait rien, même quand on faisait du distance à distance, hein, y a beaucoup de groupes, hein, je pense ceux qui nous écouteront là sauront que pendant un moment on était obligé de faire tous un peu de la musique à distance, à essayer même de se trouver des serveurs pour répéter à distance, ce qui est pas possible quasiment, surtout quand on a la connexion qu'on a chez nous. Ah ouais. Non, on a beau habiter à 5 minutes de Tours, nous on est encore avec le modem 56K. D'accord. Derrière, là, ça marche pas. Voilà. Et, donc, c'est pas possible. Donc, on a fait beaucoup de compos à distance. Hein. Encore une fois, il suffit qu'on soit tous un petit peu équipés à la maison. On a tous au moins un ordinateur avec deux, trois logiciels, quoi, qui nous a permis de continuer la compo comme ça. Mais c'est vrai que là, ces dernières années ont été vraiment rythmées par la compo. Enfin, ces derniers mois, surtout. Et puis bah là maintenant que les concerts commencent à se débloquer tout ça, bon là on en a déjà 3, on va continuer à démarcher ça, c'est surtout ça notre truc pour pouvoir essayer d'aller défendre un petit peu comme cet album qui a pas été du tout défendu ou que 2 fois. Et donc quand on fait un album, on aime bien faire quelques dates dessus avant de commencer à présenter le nouveau, même si on n'est pas trop dans les cases, alors on aime bien là, par exemple, on a 5-6 nouvelles chansons. Il y en aura certainement une ou deux qui vont être incorporées dans notre set. C'est pas, on n'attend pas qu'un album soit fini, faire une release. On fait pas tellement comme le circuit traditionnel, quoi. On est un peu comme pour l'enregistrement, quoi. Ouais, comme vous le sentez avec ça, le feeling. Ouais, on voilà. S'impose pas de. Il y a pas d'obligation de quoi y a pas que ce soit. Bah justement, c'est bien aussi de dire voilà, il y aura un album qui va sortir. On va déjà vous interpréter un peu la première fois. Voilà, vous êtes les premiers à écouter ce morceau-là en direct live. Bien sûr. Donc c'est super bien aussi sur scène. C'est un truc à présenter. Les gens sont contents. Ils disent tiens, ce morceau-là, il me plaît bien. On le retrouvera donc dans le prochain album. C'est ça, exactement. Voilà. Quelles sont les idées que vous mettez dans vos chansons, parce que vous parlez déjà c'est toujours en anglais. Ben oui, c'est le problème, c'est pour ça qu'on comprend rien en fait. Comme ça on peut dire en anglais. Ah bon, on parle en phonétique mais on sait pas ce qu'il dit. Là c'est dommage, c'est que Toff il est pas là pour nous parler de ses thèmes. C'est vrai qu'il il parle beaucoup de problèmes de société, hein. Il y a beaucoup de rapports à l'enfance, à la maltraitance. Par exemple, on avait Shell Soldier aussi, ouais, pour les enfants fait, soldats. Ouais. Bon voilà, il parle de l'environnement, un peu, tu vois, sans tomber dans les gros clichés. Mais c'est des trucs assez vagues. C'est vrai que quand c'est moi qui écris, c'est beaucoup plus sombre. Alors là, sur cet album-là, moi, j'en ai pas écrit du tout de texte. Tout est à Toff. Et donc, pour pas dire trop de conneries sur ce qu'il a écrit. Je le laisserai parler un autre jour dessus, mais d'accord. Pour l'instant, on pourra savoir que c'est surtout des sujets d'actualité. Et puis des messages. Ça fait un peu tout match, je veux dire ça, mais c'est des petits messages, quoi. Après, c'est en anglais. On joue en France. On sait pertinemment que 9 personnes sur 10 vont comprendre la mélodie, et encore, et pas forcément les paroles. En fouillant un peu, il y a moyen... c'est corrigé, c'est bien, voilà. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis quand on fait pas de faute de frappe. Logiquement, ça doit être à peu près compréhensible par tous. Mmh. Très bien. Donc vous avez choisi l'anglais parce que l'anglais, c'est la musique de, c'est la langue du rock'n'roll, non? C'est ça. C'est aussi... Et puis, pour moi, l'anglais, du coup, dans le rock et même dans d'autres musiques, c'est le dernier instrument, en fait, quoi. Mmh. C'est très mélodique dans le chant et par rapport au débit qu'on peut avoir nous sur certaines chansons, ça passe quand même mieux que le français. Oui, parce que c'est très lent, des fois, c'est machin. Le français, c'est très compliqué à mettre en place sur des rythmes rapides. On en a une quand même, hein, sur l'album, la toute dernière. Hein, c'est la toute dernière. Ah ouais, d'accord. On en a une en français, oui. On en a une seule. Qu'on ne devait plus trop jouer, parce que notre bassiste, voilà, c'est punk rock, hein, celle-là, donc Norman n'était pas... hyper chaud dessus, mais c'était pas une obligation de la jouer. Mais on a madame la présidente qui nous a rejoint récemment, qui est venue et qui l'a joué avec nous à la basse, parce qu'elle a de multiples talents cachés. D'accord. Au moins, et dont la basse. Et du coup, elle nous a fait le dernier live qu'on a fait là. Elle a pris la basse dessus. C'est marrant. Donc on a un morceau en français avec madame la présidente. Ah oui, effectivement, il y a au moins un morceau en français. Donc voilà. C'est bien quand même. Non, il y en a. On n'est pas fermé. Hein. Ouais. Si, peut-être que si on savait mieux le faire. Il y a une histoire de savoir-faire aussi, parce que pour pas être ridicule en chantant en français, déjà faut savoir bien écrire, et en plus il faut savoir bien faire sonner les mots, parce que l'anglais est facile, le côté chewing-gum permet de faire durer un mot sur 8 ans comme sur 2, et que ça sonne toujours aussi bien, alors qu'en français ça fait tout de suite un peu ridicule. Je vais pas donner d'exemple parce que là non, mais il faut savoir le faire. Je joue avec beaucoup de gens qui savent le faire et moi j'ai jamais su. Il y a des gens, on a parlé tout à l'heure des enfants de Panurge par exemple. Les enfants de Panurge, texte super bien écrit. Super bien écrit, tout ça. Donc, et on a parlé aussi de Jartel, je me souviens des textes de Jartel où on écoute, ça nous prend. Dans notre entourage justement, on a Olive Moncoin. Ah oui, il est très très bien. Thomas de la mécanique des sourds et du coup de PLS, écrit super bien. Ah oui, ils ont un vrai talent pour l'écriture en français que nous on n'a pas. Oui, après c'est un choix. Et pour la musique, voilà, vous le sentez comme ça. Et puis après c'est aussi parce que nous on est un peu défaillants et que du coup en anglais ça sonne bien musicalement et que. Donc voilà. le prochain album il est en espagnol, hein, c'est ce que vous. Mais ça n'est pas en anglais. En allemand. En allemand, ouais. Ah, bah, c'est aussi une langue qui va bien avec. Ah bah ça pourrait si on savait le parler, ouais. On ferait peut-être. Ouais, ok. Peut-être à intégrer aussi justement des petites phrases en portugais, par exemple, pourquoi pas. Ah mais ce serait avec grand plaisir, même si on le maîtrise pas hein, dans le groupe, personne ne parle, mais ce serait avec grand plaisir, ouais, bien sûr. Ce qu'on va faire, ben on va revenir aussi sur le jeu. Donc apparemment, il y a une seule réponse. Hein. Donc on va regarder quand même s'il y en a pas aussi. Non, bah donc ça serait Michel de Jordanie qui gagnerait. Hein, voilà pour ce t-shirt. Bravo Michel, même si tu habites loin. Vous savez où il habite? Vous le connaissez? En Jordanie. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai que bon, je ne sais pas si c'est son nom ou si c'est vraiment l'endroit où il est. Bah, en tout cas, on se débrouillera, on mettra des timbres. Si c'est en Jordanie, on lui enverra en Jordanie, quoi. Ouais, bah oui. Et c'est vrai que ça nous ferait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent de Jordanie. Hein. On a eu l'honneur d'avoir un album qui est parti au Japon. Ah aussi. Ouais. Ça fait super plaisir en fait un japonais qui nous a écouté sur Bandcamp quoi, qui nous a écouté sur Mavrika et franchement et c'est vrai que moi je sais que il y a plusieurs groupes qui sont venus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel qui ont été faire des tournées au Japon et les Français sont très bien accueillis apparemment ils sont assez friands. Ils aiment beaucoup ouais. Ouais, il y a Mireille Mathieu qui a fait sa carrière là-bas. Ah bah, non mais en plus le pire c'est que c'est dans nos groupe. Influences principales. Ouais, c'est vraiment le groupe ouais. National Orléanais Bernie Heads a fait tourner au Japon. Ouais, ça, ils ont même fait venir aussi des Japonais. Je me souviens, j'avais été à un concert, c'était dément quoi, découvrir des gens qui étaient venus de là-bas justement. Oui, ils avaient fait un espèce de partenariat, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est super intéressant. Très doués les gars. Ils étaient venus aussi nous parler aussi des choses qui lui tenaient à cœur. Les Japonais, eux, l'atomique quoi. Ils aiment pas ça du tout. Le nucléaire, ils aiment pas ça du tout. Parce que bon, ils ont eu quand même Hiroshima. Nagasaki et Fukushima il n'y a pas très longtemps donc carrément de toute façon jamais 203 hein. Ouais c'est voilà. Ce qu'on dit souvent hein. Bon j'espère que cette fois normalement ils sont tranquilles maintenant normalement ouais normalement ouais il faudrait pas que ça commence on leur souhaite ouais, on leur souhaite bien sûr voilà donc les Burnhead vous connaissez aussi il y a des groupes comme ça qui vous ont influencé des groupes bon on parle du groupe d'Orléans c'est un des groupes les plus connus oui parce que les Burning c'était à l'époque où on a commencé nous c'était un groupe qu'on allait voir assez régulièrement ce qu'on aimait bien quoi. Ouais, en live, ouais. Après c'est pas une de nos influences premières parce que du coup on n'est pas tout à fait dans le oui après dans le même univers mais c'est un groupe qu'on aime beaucoup et qu'on a beaucoup écouté. C'est ça ouais. Beaucoup ainsi que les albums à l'époque. Les Seven Eight de Poitiers avec qui on a eu l'honneur de jouer en 2001. Ouais. Je sais on est vieux. Ouais, ça Enco, c'était en quelle année? Enco Men From Mars. Quasiment pareil. Ouais. Ouais, voilà. Men from Mars ouais effectivement. Ça, ouais. Et eux venaient de plus loin encore ouais. Et voilà quoi. Mais ça fait partie de nos influences, vraiment du début de Night Owl quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est des gens que vous avez déjà vus, que vous avez rencontrés peut-être aussi. Et partagé une scène. Pour les Seven Eight et les Enco, oui, on a partagé la scène avec eux. Les Burning, on les a eus souvent en concert. Ouais. Mmh. Après, on n'a jamais eu l'honneur de jouer avec eux, mais. Mmh. Mais c'est pas grave, ils sont pas morts non plus. Ah non, ils sont pas morts. Hein, voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'étais à l'école avec Thomas, le batteur des Burning Heads. D'accord. Ah oui. Qui joue aussi dans les Comintern Sect. Je sais pas si. Ah ouais, mais si, mais ça doit, ouais. C'est chiant d'avoir un batteur en cours logiquement, parce que. Enfin, logiquement, c'est chiant. Après. Non, il était ça. Moi, on m'a toujours dit arrête de taper sur ta trousse avec ta règle, machin. On m'a toujours dit ces trucs-là. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est un réflexe. Moi, je connais des gens qui peuvent pas s'en. C'est un toc. Non, mais c'est un vrai toc. C'est un toc. Après, c'est. C'est un vrai toc. Dès qu'il y a un truc, vous entendez des rythmes partout. Ah bah, de toute façon, le problème du 60 BPM, là, c'est que, dès qu'on a une horloge qui fait clac-clac un peu fort. Ouais, bah c'est sûr qu'au bout de deux secondes, ça se transforme en bœuf contre l'horloge. Ils sont quand même un peu autistes, hein, faut. Ah non, mais moi j'assume parfaitement mon côté autiste. Alors là, Je sais pas si vous avez vu une vidéo aussi qui circule sur Internet où on voit un tracteur avec un moteur monocylindre et puis dessus ils font de la musique country ou rockabilly ou je sais pas trop quoi, un truc un peu très. Et donc voilà, c'est vrai que même le pas. Quand on marche, ça donne un rythme. Oui. Et puis des fois, il y a des gens qui composent comme ça avec le rythme. Les marches militaires. Les marches militaires, déjà, entre autres. Et puis après, il y a aussi, bon, après on peut aller plus loin avec la danse, justement, il y a les rythmes à quatre temps qui permettent de danser, parce qu'on a... Ah mais c'est en quatre, moi j'y arrive pas. Ouais, bah justement, c'est un peu compliqué à danser sur de Neutel. Non, ça se fait bien quand même. Pour danser sur de Neutel. Bah si, c'est de la danse de salon, en fait, je crois. Nous, on n'y arrive pas en tout grand juin. D'accord. Ouais, mais on va savoir. Prochain challenge, si quelqu'un nous entend qui veut venir nous voir en live, une petite danse sur Neutel, faut trouver. Une danse de l'été. Ça serait bien. Une danse de l'été. On écoute le troisième morceau et on fait la Macarena dessus. Ok. Allez, c'est parti. I don't something out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the Yeah. Voilà, on a écouté deux morceaux à la suite, hein, parce que on est très bavard, donc on parle beaucoup. Et puis quand on écoute de la musique, on écoute de la musique, hein, jusqu'au bout des morceaux. Donc on a écouté un morceau des Neutol à l'instant. Alors le morceau qu'on a passé, d'ailleurs je me souviens plus le titre, vous vous en souvenez vous? De Neutol, c'était Loving and Starving. Non, à l'instant. Ah non, c'était I Don't Care. I Don't Care. Ouais, effectivement. Ça, c'est un des morceaux que je passe déjà depuis pas mal de temps. Donc, je le connais très bien. I Don't Care, voilà. Et à l'instant, c'est un morceau que tu as choisi. Hein. Alors, tu nous le présentes? Un de nos groupes qu'on aime beaucoup qui s'appelle Tool. Ouais, en plus, ça envoie bien ça. Ah c'est très récent. C'est très riche musicalement. Mm-hmm. Et ça fait partie de nos influences. On va dire pas de plus en plus, mais sur ce qui arrive là, certaines qui arrivent là, il y a un petit clin d'œil quelque part, involontaire, mais du coup. Oui, comme c'est quelque chose qui vous plaît, voilà, vous aimez bien le groupe, vous aimez ce qu'ils font, bah forcément, ça influence un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres influences aussi, encore d'autres groupes qui actuellement. Pour ma part, la plus grosse de mes influences, c'est Iron Maiden, quoi. Ah ouais. Qui est le groupe que moi je place au-dessus de tout. C'est une référence. Que j'écoute sans concession, je m'en lasse pas. Quoi. Tu connais les Iron Troopers, non? Ouais. Un groupe de cover d'Iron Maiden. J'ai du mal avec les groupes de cover. D'accord. Même si les gars jouent très bien. Ils jouent très bien, oui, mais. J'ai du mal. Ah, quoi, après, oui, c'est vrai qu'il y a l'original, et puis après, il y en a certains qui veulent que l'original. Quoi. Après, moi, c'est maladif, j'aime pas les reprises. Quoi. D'accord. C'est même bien fait, ou alors, faut vraiment que ce soit. Fait différemment ou qui a eu une réinterprétation. On réinterprète. Ouais, moi j'aime bien aussi. Là, du coup, des fois, il y a des morceaux qui ont rien à voir avec l'original, mais on le reconnaît parce qu'il y a quand même la mélodie. Il y a quand même fois le rythme peut changer un petit peu. Après, je respecte complètement les gars qui le font et qui le font très bien parce que faut quand même avoir un gros niveau pour le faire très bien. Quoi, et... oui, parce que justement, essayer de faire à l'identique, c'est carrément. Mais du coup, je trouve pas de plaisir. D'accord. Donc, bon, voilà, c'est ton avis, hein. Tu as le droit de le dire. Voilà. Très bien. On va rappeler aussi que tout à l'heure on a fait gagner un t-shirt et là on réclame le CD. Il y a des gens qui n'ont pas voulu participer, ils attendaient le CD, j'ai l'impression. Ah. Alors du coup on s'est concerté en haut lieu là. Ouais. Et on s'est dit que du coup pour pouvoir gagner le CD. Ah, c'est une idée du bassiste. Là. Voilà. Elle est très très bonne son idée. Il va falloir donner la couleur de ma guitare. En général, si. Donc vous ça va peut-être nécessiter un peu de recherche sur internet. Ouais, mais si. D'accord. Ceux qui nous ont déjà vus ou. Et si en plus. Il y a une personne qui est capable de dire comment je l'appelle. Ah, elle a un petit nom et tout. Ah oui. Ah, on pourrait presque rajouter un t-shirt. Là, celui-là, CD, je pense qu'on lui rajoute un t-shirt. D'accord. Alors, la couleur, déjà, c'est le CD. Et si vous dites. Si la personne est la capable couleur de donner le nom de la guitare. Ouais. Alors là, c'est carrément le t-shirt et le CD. Hein. C'est ça. Très bien. Bah, voilà. Alors, j'espère que vous. Mais là, c'est gros défi. Ouais, il va falloir chercher un petit peu parce qu'on l'a pas vraiment dit dans l'émission. Alors par là, non. Ça, c'est du plus. Par contre, il y a une question que je pose régulièrement. Ça fait un petit moment que je l'ai pas posée parce que effectivement, on a eu moins d'invités qu'à une certaine époque. Mais c'est quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Les couleurs, vraiment les couleurs. Hein, c'est rouge, vert, bleu. Rouge. Tu veux parler des quatre couleurs primaires? Les deux couleurs qui illustreraient votre univers. Après, bon, il faut peut-être. Le blues? À la limite, on pose pas la question, parce que ça se trouve, il y a la couleur de guitare dedans. En plus, je pense même pas. Même pas? D'accord. Pire, c'est que je pense même pas. Bah, justement, donc non, vous pouvez les citer, on sait que la couleur non, de guitare. Non, c'est pas des couleurs, pas c'est noir et blanc. Le noir et blanc? Ouais, est-ce que c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. Non, il n'y a pas spécialement de notre bassiste dit oui, blouge. Blouge. Bon, blouge. Donc, blouge. Non, mais on était tous d'accord. Il valide. C'est la première que j'ai donnée. La première, c'est blouge. Blouge, d'accord. C'est les deux couleurs. Ah, bah oui. Bah oui. Les premières couleurs, c'est blouge. Blouge. Mais on n'aime pas le blanc. Sinon, ça ferait trop nationaliste. Et là, du coup, c'est compliqué. Ouais. D'accord, ok. Très bien. Voilà donc blouge, on va retenir ça, c'est la première fois qu'on nous l'a fait. Et nous on accepte le blanc et le noir, hein. C'est vrai que bon, il y a certains groupes qui s'y. Ah nous on n'a pas de souci avec ça non plus. Voilà le blanc et le noir, et puis il y a aussi la couleur joker. On est sur Radio Arc-en-Ciel, donc si on nous dit toutes les couleurs de l'univers, donc c'est la couleur arc-en-ciel. Ah je pensais que c'était le marron. Mais Oui après si on mélange tout, ouais, ça fait... C'est une petite dédicace pour notre pote bassiste des Born to Burn. Ouais voilà, mais c'est pour Joe celle-là, mais c'est vrai que toutes les couleurs les unes à côté des autres. Si on les mélange pas... Ouais si on les mélange pas. Ça peut donner quelque chose de beau. à l'image de votre magnifique radio. Ouais, Radio Arc-en-Ciel. Ouais. Quel suce-boule. Ouais, j'adore ça. On va la refaire, on va l'enregistrer comme ça. On la sortira pour la prochaine émission. À l'image de votre magnifique radio. Super, avec la voix. Il n'y a même pas de truqueur de voix. Et là, ouais, du coup, c'était pour le Minitel, celle-là. D'accord. Bienvenue avec le groupe Neutol. Neutol. Ah, dis donc, t'as la belle voix là, ça passe bien, c'est vrai. Parce que je suis malade. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ah oui, il a pas dit le Covid. Le Covid. Parce que pas malade, ça donne pas ça. D'accord. Ok. Votre carrière quand même, ça fait déjà 22 ans. Donc, quel est le plus grand délire artistique que vous ayez eu ou que vous aimeriez avoir? Un délire artistique. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre histoire vraiment un gros délire ou... HL, ouais. Pour moi, c'est ça. Ah, oui. Le délire artistique, oui. Le meilleur, c'est... Pour nos 20 ans, où en fait, moi, je travaille avec un monsieur qui est plasticien, qui fait de la sculpture avec de l'argile en live. D'accord. Et du coup, en fait, c'est lui qui a sculpté ce qui a servi à faire la pochette. Que tu vois sur l'album, là. Ah, d'accord. C'est une vraie sculpture. Et du coup, il l'a faite pendant... En fait, on s'est fait une répète un dimanche avec lui. Et du coup, on a joué et il a sculpté le personnage pendant qu'on jouait. Ah ouais, super. Et du coup, il nous a fait l'immense honneur de le refaire avec nous en live pour la soirée de nos 20 ans. Ah ouais, parce que... Il a sculpté en live. La pochette de l'album en live. On avait la scène pour lui et moi, enfin pour le batteur et lui, et les gars juste devant. Et c'est vrai que de voir la sculpture se faire en live au fur et à mesure... On avançait, lui il peaufinait à la fin, mais ça vraiment, il est parti de rien, donc, et il a donné exactement cette sculpture là au bout d'une heure de show. Influencé par la musique, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple, des peintres et tout ça, qui écoutent de la musique parce que ça leur met dans une ambiance. Et inversement, il y a aussi des artistes qui font de la musique, qui sont inspirés par des couleurs, C'est pour ça que je vous ai posé la question des couleurs. Et du coup, ce monsieur en fait sculpte en live avec 450 kilos d'argile. 450. Oui. Ah c'est immense ça, en plus. Ah oui, c'est énorme. Ouais. La tête est plus grande que moi. D'accord. C'est énorme quoi. Oh là là. Ah ouais, j'imagine. Et c'est un monsieur, si vous avez envie de découvrir ce qu'il fait, allez c'est voir. HL Berger, un monsieur d'Azé-sur-Cher, qui fait de la sculpture métal et argile. Et il fait des trucs mais magnifiques. Ah ouais, franchement, c'est super bien fait. En tout cas, moi, quand je regarde ça, je pensais même pas que c'était une sculpture. Voilà, bon, là, on le voit en tant qu'œuvre. Oui, parce que du coup, ça a été retravaillé, mais. Ouais, ouais. Mais enfin, la tête n'a pas été retouchée. Mm. On a juste changé les contrastes. Moi, j'avais vu déjà à plusieurs occasions. Par exemple, il y avait plusieurs artistes qui, par exemple, des peintres qui peignent un tableau pendant qu'un groupe joue. J'ai vu ça aussi. Ils dessinaient et c'était projeté. Derrière les gens, donc c'était projeté sur la scène, et en même temps qu'ils dessinaient, j'ai vu pas mal de choses comme ça, mais c'est vrai que quelque chose en 3D, quoi, comme. Après, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, il a fait ça pendant qu'on jouait sur du coup 1h15 de set, alors que normalement, il le fait en 25 minutes. Donc là, il a donné un peu de spectacle. Son spectacle à lui, en fait, se fait en gros en 25-30 minutes. Il sculpte un personnage avec 450 kilos d'argile en 25-30 minutes. Et après, qu'est-ce que devient cette œuvre-là? C'est de l'éphémère. C'est de l'éphémère. Après, il redécoupe l'argile, il la remballe pour la conserver en la réédition. Mm-hmm. Et pour l'anecdote, j'ai travaillé avec lui sur un événement pour la mort de Léonard de Vinci, où il a sculpté le visage de Léonard de Vinci. Et il y a des gens qui ont fait une reconnaissance faciale, et ça a sorti Léonard de Vinci. Ah ouais, d'accord. D'après des logiciels, d'après une photo, hop, on le met, hop, ça retrouve. C'est ça. Effectivement. Donc pour c'était vous dire, pour vraiment vous dire le niveau du monsieur. Quoi. Ressemblant. Extrêmement ressemblant. C'est ça. Ouais. Bah super, en tout cas, on rappelle son nom. HL Berger. On essaiera de trouver. Il Berger, a un Facebook, c'est B-E-R-G-E-Y. E-Y et HL, c'est juste les initiales. Hein. Ouais. H et L. HL. Voilà. D'accord, très bien. Ben, c'est bien de le savoir. Un délire artistique, n'empêche, c'est vrai que la question au début, elle m'a paru un peu venue de nulle part. Et c'est vrai qu'on a quand même eu ce délire artistique-là. Non, parce que c'est vrai que c'est quelque chose vraiment de particulier. C'est la première fois que j'entends parler de faire une œuvre d'art comme ça. Et puis surtout dans notre milieu, en fait, dans le milieu du rock, où il y a plein de choses de faites, quoi. Ouais. Mais ce genre de délire-là, moi, je l'avais jamais vu encore. Et puis ça s'est fait parce que... On l'a vécu. C'est parti d'un délire entre moi et HL, et puis il a dit ah, bah du coup je le referai bien en live. Il dit banco. En plus, grâce à lui qu'on a eu la salle, c'est vrai qu'il a participé à fond. Lui. Et du coup, c'était super cool. Quoi. Mm-hmm. Et est-ce que justement il y aurait quelque chose que vous aimeriez réaliser avec des grands artistes ou alors une idée comme ça encore plus grande Là, sur le moment, tout de suite, pour forcément. Ouais. Mais, en fait, nous, on se laisse beaucoup porter par le moment, quoi. Donc, après, enfin, on partage pas mal de... Enfin, pas mal. On a déjà fait des splits avec des copains qu'on a invités sur des morceaux. D'ailleurs, sur l'album, il y a un morceau avec une amie à nous qui s'appelle Tristana qui chante dans Aleia. Et on a un split à la fin de l'album avec le groupe Born to Burn, en fait, qui était parti sur une fête de la musique où on a écrit un morceau, en fait, mais en mélangeant les deux groupes. D'accord. Pour jouer à la fête de la musique, quoi. Parce que, encore une fois, nous ne faisons pas de reprise. Oui. Donc si on joue ensemble, on écrit un morceau. D'accord, c'est un nouveau morceau, donc ouais, tout à fait. Ah, vous l'avez dedans, c'est vrai qu'il est un peu différent. Mais... C'est le dernier morceau de l'album. D'accord. Oui. On se lire peut-être burn, pour la fin. Burn to all. Burn it all. Burn it all, ouais. Burn, ah ouais, burn. On a mélangé. Burn ouais. it all. Ah ouais, j'avais pas vu le mélange, en fait, du coup, des deux noms. Ouais, ouais. Ça me rappelle une fois, ça s'était passé dans un Maverick Alive qui avait eu lieu ici. Il y avait le groupe See You Soon et il y avait Ice Cream. Ils avaient fait, donc à la fin, ils avaient fait un petit buff ensemble et ils ont appelé ça See You Scream. Donc voilà, voilà, c'était un peu le même délire. Donc ça c'est des moments qui sont magiques, hein, c'est des moments magiques, on les enregistre et puis ça reste, il reste une trace, donc c'est super, quoi. Ah, puis on l'a déjà défendu en live, pas. On l'avait écrit pour une fête de la musique, du coup. Voilà, ouais. Et c'était avant que je sois le batteur de Born to Burn. Ça nous a permis de faire le changement de plateau en douceur, en fait, sans. Oui, tu passes d'un groupe à l'autre avec un changement qui prend les deux groupes, donc c'est marrant. Ah ouais, et en plus, il est comme ça, il n'y a pas de transition. Quoi, ça fait une transition, il n'y a ça pas de coupure entre les deux. Quoi. C'est ça. Ah ouais, il faut déjà réussir à bien le faire aussi, hein, parce que des fois, il y a aussi un peu de préparation. Enfin, là, on parle de fête de la musique, hein. On n'était pas sur un plateau. Oui, voilà. Ouais, mais après, on l'a fait pour les 20 ans, mais bon, c'était entre nous quand même. Il y avait le gros côté rock'n'roll dans le plateau quand même, quoi, mais c'était rigolo. Quoi. Bah, tu te retrouves avec tout le monde sur scène, ça fait un peu de monde, hein, forcément. Okay. Donc là, on a encore plein mal de morceaux à découvrir. Je crois qu'on n'aura pas le temps de à la vitesse où on va là. Le but c'est pas de passer tout l'album quand même, si vous voulez faire ça. On aurait pu le faire. Après, ça dépend. Mais si vous avez des choses à dire, la priorité est justement aux invités. Donc vous avez des choses à dire. Oui, puis laisser une part de surprise aux gens qui ont envie d'aller découvrir aussi. Quoi. Bah ouais, comme ça il y a des morceaux qui n'ont pas été diffusés et puis qui sont très bien aussi. Hein. Surtout qu'il va falloir quand même qu'on passe un moment. C'est lequel qui nous a demandé Fish? It's All Right. Ah, il faut qu'on passe It's All Right absolument, parce que sinon on va avoir un problème avec Fish. Justement, mon lapin. C'est celui qui est calé, hein. On avait déjà prévu. Donc, c'est le titre numéro 7, hein. Là, on passe à quelques morceaux. It's Alright. Alors, pourquoi ce morceau-là? C'est un morceau qu'il adore et qu'il nous a demandé. Et puis, en fait, c'est un très très bon copain. Ah ouais? C'est le batteur, justement, d'Adrenaline Motors, qui écoute l'émission. Il est dessus, là, c'est en ce moment. Donc, du coup. Il va nous faire coucou. On lui dédicace cette chanson. Oui. En fait, même on lui offre, même. Alors, c'est parti. Voilà, encore un peu de musique dans l'émission Mavrika. C'est quand même à l'origine une émission musicale. C'est vrai que des fois on passe beaucoup beaucoup de musique. Cette fois-ci on parle beaucoup parce qu'on a plein de choses à apprendre du groupe Neutol. Là c'est bon, on commence à tout savoir. On va bientôt savoir aussi la couleur de la guitare. Donc ouais. Et le petit nom. Alors là j'ai une personne qui m'a proposé rouge la couleur. Ah bah il en manque. Ah, il en manque. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Déjà, c'est une bonne base. C'est pas mal. Donc, et par contre, le petit nom, il l'a pas trouvé, mais il propose ma chérie, ma belle, ou un petit truc comme ma tendre, non. C'est plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça. D'accord. Bon bah donc. On va le donner. Au moins le CD. Alors donc et puis le t-shirt, celui qui trouve. Hein. Et du coup, il comprendra pourquoi. Je lui dis que c'est presque rouge. C'est voilà. Presque rouge, d'accord. Donc, voilà, c'est notre ami Christophe Danaker. Je ne sais pas si vous le connaissez, le groupe Prisma. Ah bah non. Et bah justement, ça me parle, ça, Christophe Danaker. Ouais. Je pense qu'on doit être... certainement qu'on est amis sur Facebook ou... Ouais, c'est possible. Ça me parle. C'est possible. Vous êtes en lien, peut-être. Ouais. Et donc, la bonne nouvelle aussi, c'est que les concerts vont démarrer. Et lui, il a lancé un festival le 26 février, le Creek Fest. Et justement, apparemment, ça se passe bien. Donc, il va pouvoir le réaliser parce que il y avait toujours ce nœud, au fond de lui qui disait est-ce que ça va se faire? Est-ce que je suppose qu'il va être un peu comme l'organisation que nous on a du Fabulous Metal Circus. Où là, du coup, reste encore à définir le problème du pass vaccinal. Mmh. Oh, il a mis des guillemets. Ouais. Donc, effectivement, pour l'instant, apparemment, ce sera dans des conditions normales. Oui, visiblement, ils vont faire tomber les jauges, les restrictions. Les restrictions et tout ça. Après, le détail, je connais pas exactement. C'est vrai que c'est tombé. J'ai pas suivi. C'est Aurélie qui nous en a parlé tout à l'heure. Donc, déjà, on n'a pas de nombre de personnes à respecter avec des licences de sécurité, des choses comme ça. Par contre, le pass, je pense qu'il y aura toujours ça. Le pass vaccinal, il sera là. Il sera là, ouais. Qu'est-ce que tu disais? C'était on pouvait manger, ça. On peut manger et boire maintenant. Il y a buvette, concert debout. Ouais, concert debout, voilà. La jauge, tout ça. Parce que le rock'n'roll, ça s'écoute debout, ça. Moi, j'ai du mal à aller dans un concert où les gens seraient assis. D'ailleurs, on peut s'asseoir les uns des autres. Deux minutes, mais ouais, bon. Ouais. Après, je sais que. Sur un banc? Ouais, avec toi. Avec toi. Je vais regarder les gens s'il y en a. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que nous, par exemple, les Mavrika Live, les gens sont debout, hein, et on a aussi des bancs, parce que nous, on aime bien aussi qu'il y ait tous les gens de tous les âges. Ça, c'est un truc qu'on aime bien. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des gens qui... Ah non, mais clairement. Et donc, s'ils ont envie de s'asseoir, ils s'assoient, et si les enfants, ils ont envie de courir, ils courent. Tant qu'il y a une fosse, il peut y avoir des gradins, en fait, c'est tout. Tant qu'il y a une fosse. Ouais. Ah, je croyais que j'ai cru t'allais dire, tant qu'il y a une fosse, il peut y avoir des vieux. Du coup, ça m'a fait peur. Et voilà. Ça y est, on avait dit qu'on rappez pas aujourd'hui, attends, c'est pas possible. Tu vas encore avoir des soucis, toi. Ah, j'ai pas parlé d'enfants. Non, t'as plus le droit, donc normal. Ok, donc on va attendre encore un petit peu, voir s'il y a des réactions. Alors sur le Facebook de l'émission Mavrika, et puis sur le téléphone aussi 02 38 43 48 00, si vous avez la réponse de quelle couleur. Et la guitare, donc cette belle guitare. Et comment alors c'est la guitare du petit gros, hein. Du petit gros. Pas du chanteur. Oui, parce que. Alors, pas du batteur non plus. Le chanteur, elle serait noire, c'est ça. Oui. Donc voilà, il s'est quand même renseigné, notre ami. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas dit ce qu'on faisait comme instrument, déjà nous deux. Ouais. Et qu'il a quand même fait la déduction, c'était la guitare qui était un peu rouge. D'accord. Donc, c'est déjà la guitare qui était un peu rouge. Ouais. Presque, enfin, pas que, quoi, voilà. Ok, donc on va attendre encore un petit peu, et puis après, on. S'il pense glacial italienne, peut-être qu'il pourra trouver, quoi. Ouais, penser glace à l'italienne, c'est ça. En pensant glace à l'italienne, on peut trouver et la couleur et le nom de la guitare. Mais c'est vrai. Ok, d'accord. Et le nom. Ah ouais, d'accord. Bon, on va chercher. Enfin, du coup, Milo, il est en train de faire ça. Et qu'est-ce qu'il raconte Chocolat, ça n'a rien à voir avec du rouge, ça. Ça a pu arriver en soirée, mais on n'en parlera pas. Ok, donc voilà, le groupe Neutol, on vient d'écouter deux morceaux. Alors le premier, c'est justement le morceau qui avait été demandé, It's Alright. Ouais. Alors il y a une des phrases magiques que je dis à la fin de chaque émission, c'est Everything is gonna be alright. Yeah. Donc, voilà, c'est It's Alright. Là, ça y est, on y est. Là, c'était bon. Là, c'est bon. On y est. C'est tout bon. Avec les bonnes nouvelles aussi. Hein, justement, si on peut faire des concerts, c'est une très bonne nouvelle. Et juste après, donc c'était Rise Against. Yes, avec le morceau Wait For Me. Et je vais vous laisser parler parce que là il y a le téléphone qui sonne. Ou alors on envoie un morceau tout de suite. On va faire comme ça. Ouais. On va envoyer un morceau que vous avez choisi et puis pendant cela je vais pouvoir répondre au téléphone tranquillement. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Allô, j'écoute. La fin est brutale, hein, donc j'étais en train de regarder un petit peu les trucs et puis on a eu aussi un coup de téléphone, donc c'est pour ça qu'on avait interrompu un petit peu le truc rapidement, parce que moi je fais tout, hein, je fais la technique, alors, je fais l'animation, je lance les machins, je cale les trucs en même temps et puis et du coup c'est là qu'on voit que tes vacances à Fukushima ont payé. Ouais, bah oui, parce que mon troisième bras m'aide beaucoup et effectivement donc on a eu des appels téléphoniques, bon apparemment sur internet on a Christophe qui continue après à nous proposer grenadine, fraise. Il a donné un élément, hein. Il a donné un élément de réponse. Hein. Voilà. Il a chauffé un moment, mais du coup il a refroidi après. Alors fraise, framboise. Et du coup, voilà. T'as eu d'autres réponses par téléphone? Et j'ai eu une autre réponse par téléphone de quelqu'un qui vous connaît aussi. Ah. Donc c'est Pascal du groupe Panic Motel. Pascal ou les copains de Panic Motel. Voilà. Bah c'est bien d'en parler. C'est des bons. Moi c'est un groupe que je connais pas encore, mais justement s'il nous écoute et s'il a envie de venir un jour dans l'émission Mavrika, voilà. Aussi, va découvrir Panic Motel et puis pour le passé. ah ouais, bah, dans les émissions dans les du émissions, vendredi, ah bah, ouais, il y a pas de souci, ça hein. collerait super. Donc, ouais. Nick Motel, il va falloir que je me renseigne parce que forcément je peux pas connaître tous les bons groupes non plus. et déjà j'en ai reçu pas mal et c'est vrai que je connais pas mal de groupes sur la région orléanaise, Tours, Blois, voilà, Bourges, voilà. Bourges-Chien et tout ça. Beaucoup de groupes de Paris qui sont venus aussi, et puis il y a aussi des gens qui viennent d'un peu plus loin. Hein, de... On peut pas être parfait. Voilà, on peut pas être parfait. Voilà, ouais. C'est vrai que la région centre c'est quand même bien, mais bah, bon. C'est bien. Ouais. Donc la semaine prochaine, on reçoit quelqu'un qui vient quand même de Bayonne, hein, donc il va faire pas mal de kilomètres pour. Oh pidingo. Tu dis le romance Willox en même temps. Donc Pascal propose la couleur rouge et rose. Oh. Il est très très proche. Il est très proche. En fait, la couleur, c'est ça, c'est rouge et rose. Rouge et rose, d'accord. Ouais. Et pour le petit nom, est-ce qu'on le donne maintenant? Est-ce que tu préfères encore faire durer un petit peu? Et on va être prince, on va offrir un album à Pascal et à Christophe. D'accord, oh, bah, super, bah, ils vont être contents tous les deux. Voilà, je regarde, il y a encore des réactions, alors j'espère que... c'est bon, je pense que... Bon, on a deux gagnants. On va rester sur ces deux-là. Pascal, donc Pascal, il m'a dit qu'il vous connaissait, donc pour lui transférer le cadeau, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, et Christophe, soit il passe par Aurélie, et du coup, moi je suis sur Orléans la semaine prochaine. Ouais. Donc du coup, on essaye de se voir, je lui remets le t-shirt et on boit une bière ensemble. Et carrément, en plus, il va avoir droit dédicace du guitariste, quoi. C'est ouf. Bon, et puis Christophe, il faut que je le voie aussi, parce que c'est un auditeur quand même très fidèle. Allez boire un coup tous les trois. Et je lui dois aussi un album qu'il a gagné déjà il y a quelques ans, que j'ai toujours ici. On s'est dit, on va se voir. Il a trouvé le filon pour se faire sa scénéthèque. En même temps, quand ça lui plaît, il essaie d'avoir les scénéthèques. Les scénéthèques ont été gagnés, la couleur de la guitare. Que nous, la façon dont on la nomme, c'est vanille fraise. Vanille fraise. C'est pour ça que la salle italienne, quand même. Bon, fallait les gourmands, fallait penser deux boules, quoi. Mais, j'ai dit que j'étais gros. Ouais. Ça donne un indice sur la gourmandise. Mais t'étais petit. D'accord. Bah voilà, vanille fraise, les couleurs, c'était ça, tout à fait. En tout cas, ça fait plaisir aussi d'avoir Pascal où elle écoute. Parce que c'est un super copain maintenant depuis longtemps et on a partagé des scènes mémorables avec lui. Voilà, on n'en a pas parlé dans les délires, mais peut-être. Les délires, c'est pas du délire là. Du coup, c'est artistique. C'est dans l'univers du magique champêtre. Il y a 20 ans. Des concerts à Rony. On s'est retrouvé sur un concert où on était accueilli par un mec en technique où il y avait une console 4 pistes. Avec deux enceintes de bagnole. Deux enceintes de bagnole devant. On a vécu un très très grand moment de rock'n'roll ensemble. On a été chercher du matos dans notre salle de répète. Avec leur groupe à l'époque s'appelait Happy Campers. Ah, c'était génial. Et on s'est super bien marré. C'était à quelle époque ça? C'était 2001. Parce que bon, moi j'ai connu des périodes encore plus anciennes où des fois on faisait ça avec pas grand chose. Hein. Ah oui, non, mais là c'est vraiment pas grand chose. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a quand même du matériel qui est quand même plus performant. Et c'était en plein air. Non mais c'est ça qu'il faut préciser. C'est en plein air. Mec, il arrive avec deux boîtes, je dis grandes comme ça, ça va pas parler de l'éditeur, toi. 30 cm, 40 cm de haut les boîtes, quoi. D'accord. Et ouais, pour mettre dans sa chambre, c'est pas mal, faut avoir des écoutes d'ordinateur, quoi. Mais du coup, on a un super souvenir de cette date, grâce à la rencontre de ces gens-là. Avec Happy Campers. Avec qui on a accroché et que on se suit régulièrement. J'ai eu l'honneur de les sonoriser, moi, il y a pas très longtemps. Et puis du coup, moi, de partager la scène, parce qu'il nous a sonorisé, c'est veut dire que Mickey, c'est son boulot, et il s'occupe de Born to Burn, c'est l'ingé son de Born to Burn, dont je suis le batteur, du coup, maintenant. Et on a fait notre release au mois d'octobre, oui, que je ne me trompe pas, et on a partagé la scène avec Panic Motel, justement, et c'était vraiment très bien. D'accord. Super. Quelle énergie. Bien. Moi, je vais écouter le morceau et si j'arrive à choper un ou deux morceaux, je diffuserai avec plaisir dans les prochaines émissions. Je pense que Pascalou peut même faire l'effort de t'envoyer un album. Oh oui. Ça, avec plaisir. Ça me ferait plaisir en tout cas parce que on est là vraiment. Moi, c'est dans le partage. J'aime bien justement découvrir plein de groupes et puis un jour, je les reçois dans les studios. C'est magique, quoi. C'est génial. Moi, je vous connaissais déjà depuis quelques temps d'après votre musique. Puis là, vous êtes en face de moi. Et puis on se revoit un jour à un concert. Et puis on se retrouve et puis on boit un coup ensemble. Avec plaisir. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Ben oui. Mais ça tient, ça pas, tient pas, ça tient pas grand chose, mais de la bonne musique. Déjà quand on a quelque chose qui nous rapproche, comme la musique, comme ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. Moi personnellement, c'est plus la musique. Hein. Bah forcément, on a l'impression de le foot. Ah bah il y a beaucoup de gens. Non, c'est le choix qu'ils ont fait. Hein. Ah, non, c'est ça, entre c'est la musique et le sport. C'est rare qu'on prenne les deux. Donc souvent, c'est on bifurque d'un côté ou de l'autre. Il y en a plein qui m'ont dit ça. Ils disent moi j'ai commencé par le sport. Et quand on n'est pas trop con, en général, on prend un peu tout partout. Ouais. Voilà. Hein. Quand on a un peu ouvert l'esprit. Oui, toi, de toute façon, ça, c'est pas une nouveauté. Mais, non, c'est sûr que l'idée, c'est l'éclectisme. L'éclectisme. Ah non, j'ai jamais été. Non, ça, c'est sûr, je n'ai jamais fait. J'en ai fait quand j'étais à l'école. Sinon, on a écouté un morceau aussi. Alors, j'essaie de voir, j'ai remis mes lunettes. The Rest Fist. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et on avait fait Ride Against avant, je crois. Mais, voilà. Comme ça, on l'a dit. Voilà, donc on l'avait calé, on a diffusé ce morceau-là pour pouvoir justement répondre au téléphone, parce que bon, effectivement, je fais tout en même temps. J'ai pas de standardiste, hein, le problème il est là, et j'ai pas d'assistant actuellement, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est vrai que pour les gens qui ont suivi l'émission, t'as pas assez de place sur le bureau. Non, depuis que je fais cette émission, j'ai quand même eu plusieurs assistants qui se sont succédés. Et là, dernièrement, avec le Covid et tout ça, bon, il y en a plus. Mais bon, à la limite, c'est vrai que ça serait pas mal qu'il y ait une personne qui vienne dans l'émission Mavrica pour m'assister, parce que ne serait-ce que pour les photos. Parce que là, je suis de mon côté, je peux pas vous prendre en photo pour l'instant. On les fera les photos à la fin. C'est pas grave, on n'est pas très photogénique. Non, mais on fera les photos à la fin de l'émission quand même. Mais bon. On les fera, alors que sinon on pouvait les faire en direct et tout ça. Et puis pour le téléphone, tout ça, c'est quand même bien aussi d'être aidé. Mais bon, bon, ça se fait quand même, hein. On y arrive. Très bien. Donc c'est Pascal et Christophe qui ont gagné ces deux albums. Voilà, ils ont gagné deux albums. Deux albums. Très bien. Alors bon, on va continuer avec encore une autre question. Vous êtes prêts à répondre à toutes les questions possibles? J'ai la main sur le buzzer. Go. Tout à l'heure, on a parlé des influences, on a parlé de certains groupes. Est-ce qu'il y a d'autres groupes que vous voulez citer, que vous n'avez pas encore cités? Oula, la liste pourrait être longue. Par exemple, les morceaux que vous avez apportés, il y en a d'autres qu'on n'aura pas le temps de diffuser aujourd'hui, oui, mais qu'on peut citer aussi. Après, du coup, c'est moi qui ai ramené les morceaux. Là, dans les morceaux que j'ai ramenés, il y a des influences depuis ma plus tendre adolescence. Ah oui, alors donc là on va partir dans le c'est dans ouais, j'ai vu le cuir moulant, les Burning Heads, on en avait parlé tout à l'heure. Bah oui, parce que ils font partie des groupes qu'on a écoutés et qu'on écoute de temps en temps aussi encore. Et des groupes comme Motley Crue par exemple, qui est le groupe qui a fait que je me suis mis à écouter ce genre de musique et que du coup j'ai commencé à jouer de la guitare, quoi. C'est de leur faute. Ouais. C'est ça. Donc je suis en train de chercher le morceau en même temps, hein, comme ça limite on normalement prend il s'appelle Kickstart My Heart. Ouais, j'arrive pas à le retrouver. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. On n'est pas forcément obligé de l'écouter. Non, mais ça serait bien quand même. Voilà, parce qu'il faut que je cale un morceau, hein, juste après. Bon. Ah, voilà, c'est bon. Je l'ai trouvé. Et là, c'est un morceau live de la tournée Carnival of Sins. Comme ça. Ah oui, c'est Louis. Motley Crue. Ouais. Ouais. Je me rappelle de ça. D'accord. Il m'avait bien marqué ce. Il faut le voir en vidéo, il est bien ce live. D'accord, il y a une vidéo qui existe. Ah oui, de Carnival of Sins, ouais, elle est assez démentielle d'ailleurs, cette vidéo. Bah, c'est le gros show américain comme ils savent faire, quoi. Oui, il y a du pétard, il y a de la machinerie, il y a de l'artifice à fond. Enfin, c'est vrai que c'est une grosse machine, quoi. Moi, ça me fait moins vibrer. J'avoue, je suis pas. Ah bon, c'est pas la machinerie qui me fait vibrer. Ouais. Même leur son, en fait, j'aime bien, mais c'est vrai qu'on est. C'est là où on a des influences différentes les uns des autres, quoi. Parce que j'écoute que du son des années 70, quoi, quasiment. Hein, que, bon, ça. Y a rien que de ce qu'on fait maintenant qui ressemble. Et après, on dit que c'est moi qui est mieux. Oui, bah, d'accord. Moi, j'écoute la musique. Je traite jazz rock, quoi. Après, ouais, mais bon, moi, ça me fait plaisir. Des fois, il y a aussi des groupes où les membres sont très jeunes, ils viennent ici, et ils nous parlent de références, Led Zeppelin. Je dis, mais c'est pas votre époque, mais pourtant, ça les marque encore. Aujourd'hui, c'est devenu un peu du rock classique. Hein. Ah ouais, mais ça fait partie des choses. Ça fait partie des incontournables, on va dire, dans le milieu du rock and roll, quoi. C'est des références, bon, des années 70. Hein, Led Zeppelin, Deep Purple. C'est des gars qui ont influencé des gars, qui ont fini par nous influencer. Hein. De toute façon, c'est tout. C'est, ouais, c'est vrai qu'il y a eu une marche à ce moment-là. Je me souviens que avant Deep Purple, Led Zeppelin, c'était un son qui venait, c'était les extraterrestres qui débarquaient. Oui, hein, c'était une manière de jouer. Que de saturer une guitare déjà. Ouais. Encore, on parle pas des groupes comme Black Sabbath. Ouais, voilà. Ouais. Parce que les années fin 70-80, elles étaient riches aussi de grosses saturations. Enfin, pour l'époque, parce que forcément maintenant ça n'a plus rien à voir, mais ça faisait une sacrée marche. Ouais. Et parmi les artistes actuels, est-ce qu'il y a des gens qui vous plaisent? Oh oui. Oui, après. Actuel. Oh oui. C'est que j'écoute beaucoup de. Soit d'indé ou de. J'avais le nom il y a deux secondes et je l'ai bouffé. Ou de local, moi. Mais. Je te laisse dire. Prothèse de Hero. Un j'aime beaucoup, quoi. J'ai écouté beaucoup au début et c'est ça m'a saoulé, moi. Plutôt technique. Et merde. Plus les noms. Ah bah voilà. Ouais, c'est le bon grand âge fait que du coup. Ouais bah voilà. Puis en plus là, ça va être bientôt l'heure du cachet. Hein. Regarde, 21h25. Ah oui, après il faut aller coucher. Et le temps passe vite. Hein. C'est vrai qu'on a attaqué la dernière heure et puis. La dernière demi-heure même quasiment. Puis, on l'a bien mangé même. On l'a bien mangé déjà. On écoute justement Motley Crue alors. Si tu veux. Voilà, c'est parti. On fait comme ça. On écoute un bon petit morceau qui va renvoyer. Hein, je pense. Hein. Et c'est toi qui très très rock'n'roll. Très rock'n'roll. Mais du coup, c'est vraiment du gros blues rock. Quoi. C'est parti. We'll be right back. Donc, on a encore un morceau des Night Owl qui sont nos invités de cette émission numéro 494. Voilà, donc dans 6 émissions. Bah, d'ailleurs, on doit pouvoir réussir à calculer exactement qui sera là à la 500e. L'émission Mavrika, ça fait 11 ans qu'on fait cette émission. Et les 10 ans, au moment de fêter ça, il y avait le Covid aussi. Donc, finalement, on n'a pas fait une grosse fête. On va attendre que tout ça, ça passe. Et puis, à la limite, on va essayer d'organiser quelque chose, une super émission. Peut-être pas la 500e, mais on va voir, et puis aussi faire reprendre un peu les Maverick Alive, parce qu'on avait laissé un peu tout tomber depuis quelques temps. Donc, le Maverick Alive numéro 12 du mois d'avril 2020 avait été annulé. Donc, on va essayer de reprendre les mêmes et de recommencer, de le refaire. Et sinon, on demandera à d'autres groupes de venir dans la grande salle de l'espace Bérer à la Chapelle Saint-Humain pour interpréter des morceaux en direct live en condition concert. Voilà. Là, on vient d'écouter un morceau des Night Owl qui s'appelle One Book for Ten. One Book for Ten. Ou une chèvre pour 10, ça dépend. D'accord. Ah ouais, ok. D'accord, c'est ça, hein. C'est ça que c'est la traduction exacte. Oui, c'est ça, c'est la traduction exacte en anglais. Exact, ouais. Book, c'est ça. Book. C'est le mari de la chèvre. Tout à fait. Et juste avant, donc, c'était Motley Crue, donc superbe voix, superbe morceau. Il y a tout ce qu'il faut. Hein, c'est un concert et tout ça, c'est vachement bien, quoi. Très bien. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, je reçois un artiste qui vient de Bayonne. C'est Max de Giovanni. Voilà, il ne faut pas que j'écorche son nom. J'ai déjà fait la semaine dernière. Donc, Max de Giovanni. Voilà. Je l'ai dit. J'ai aussi un enregistrement. C'est Freddie Mercury qui parle de lui. Je propose qu'on écoute tout de suite ce qu'il dit de la sortie de son album, parce qu'il va sortir un album. Donc, on écoute Freddie Mercury. Attention. Hein. Cet album est tout ce que j'aime. Une mise à nu de l'artiste durant 14 titres. Mes chats et moi, nous le passons en boucle. Je ne comprendrais pas que cet album ne soit pas disque d'or le jour de sa sortie, le 2 février 2022. J'aurais tellement aimé l'écrire à l'époque où j'étais en vie. Sans aucune couleur, marcher comme une âme en peine, ne plus voir personne depuis des heures, triste montagne morne pleine, plus de corps contre moi acéré, manque de chaleur, manque de vous, absence de moments à partager, plus de toi, plus de vous, de nous, juste le bruit étourdissant du silence, en écho à ma peine, à mes peurs, et mes pleurs qui résonnent en latence. Sur le rythme ralenti de mon cœur, juste le bruit étourdissant du silence, en écho à ma peine, à mes peurs, et mes pleurs qui résonnent en latence. Sur le rythme ralenti de mon cœur. La sensation de mes mains qui tremblent, froid de pouvoir rien agripper. Plus rien à voir à faire ensemble, dans un monde vierge d'humanité. Omniprésence de ma solitude, ma seule alliée qui guide mes pas. Père de repères, manque d'habitude, désert immense autour de moi. Juste le bruit étourdissant du silence, en écho à ma peine, à mes peurs, et mes pleurs qui résonnent en latence, sur le rythme ralenti de mon cœur. Juste le bruit étourdissant du silence, en écho à ma peine, à mes peurs, et mes pleurs qui résonnent en latence, sur le rythme ralenti de mon cœur. En écho à ma voilà, Max de Giovanni qui sera notre invité de la semaine prochaine, donc dans l'émission Mavrica. Il nous vient de Bayonne et l'album sort le 5 février et nous donc on va découvrir en avant-première ces morceaux. Voilà pour la semaine prochaine. Pour les semaines suivantes, c'est pareil, il faut que je retrouve mon petit papier, mais je vais les dire tous. Donc la semaine suivante, ça sera Turn Off. Donc ça a été décidé il y a deux jours. Hein, voilà, et ils sont OK pour le 4 février. Ils sont ici avec nous. Le 11 février, c'est Mourad qui viendra. Déjà, vous, si vous écoutez l'émission Mavrica depuis quelques années, vous le connaissez, puisque c'est un artiste qui est déjà venu à trois reprises au moins. Voilà. Et le 25 février, ça sera la première émission consacrée à Roraima, un groupe de trip-hop de la région orléanaise. Qui, bon, ils sont deux, ils vont venir peut-être avec leur machine, on va voir comment ça se passe. Et en attendant, bon, bah, alors ce soir, il n'y a pas eu de live, hein. Vous êtes venus avec votre album. La semaine prochaine, normalement, il devrait y en avoir, puisque Max vient avec son guitariste. Turn Off, pour l'instant, je ne sais pas. Mourad, oui, bah, lui vient toujours avec sa guitare, donc il est déjà interprété des morceaux en direct live. Et puis, ces morceaux qui sont enregistrés, bah, on les rediffuse dans les émissions suivantes, donc c'est toujours un plaisir de les réécouter. Voilà, donc on est avec Neutol, on a passé un super bon moment, le temps passe très vite, on arrive à la fin de cette émission. Vous êtes à la radio, est-ce que vous avez un message à faire passer auprès des auditeurs? On peut pas les voir. Ah ouais, ça c'est déjà embêtant ça. Des fois sur scène c'est pareil, vous voyez pas forcément les gens quand il y a des scènes. Oui, quand on a la lumière, on les voit après justement. On les voit après. Quand ils viennent nous voir pour discuter, ouais. Bah, qu'on a hâte de les retrouver en concert pour partager la musique et pourquoi pas un coup... à boire derrière. Bah oui, passer un bon moment ensemble et voilà et puis un message. Non mais sinon un message vraiment, c'est sortez quoi. Enfin, là parce que ah, vous voulez parler d'un message engagé. Ah ouais, après non mais c'est comme non, vous voulez. Que, non, non, mais moi je vais pas taper. Révolution. Révolution. Non, donc c'est sortez en fait. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué ouais. avec humour, mais en même temps, oui, c'est un truc qui me tient à cœur quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent le cul à faire des ouais, des super événements, des trucs. Des fois, il y a du monde. Moi, des fois, j'arrive, je ouais. sais qu'il y a un événement, j'arrive au parking, je vois le parking blindé, je dis, waouh, super, ce soir, il y a du monde. Je suis content. Des fois, il y a des salles qui refusent, même des fois, je dis, ouais, ils ouais. ont rempli la salle. Et il y a des fois, on arrive, on dit, on se regarde. Alors, moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai fait un concert où il y avait l'artiste et moi. Ah ouais? Ouais, non. Ah bah, donc, j'ai déjà fait un concert, c'était. Ouais, il y avait. On était deux. Avec la Meca, c'est ça, ça nous est arrivé. Bah, c'est sur Orléans en plus, dis donc. Ouais, sur Orléans. On est venu aussi sur Orléans dans un bar. C'était un bar de, si j'ai compris, c'était un bar entraîneuse à la base. Alors, je sais pas trop ce que c'était. D'accord. Le coup, ça entraînait pas beaucoup. Non, ouais. Et en fait, sauf qu'il avait modifié pour faire un truc comme ça. Et on était trois. Il y avait trois, ils étaient trois dans le public. D'accord. C'est vrai que ça c'était du jamais fait. La première fois qu'on faisait un concert sans costume, sans rien, juste très intimiste, on était plus nombreux sur scène que dans la fosse, quoi. Et moi, je me souviens que c'était un artiste en plus qui venait de Londres. Donc, c'est un Anglais qui faisait une tournée européenne et qui s'était arrêté à Orléans. Je citerai pas l'endroit. Orléans. Et il y avait lui, il y avait moi et il a interprété le. Il a fait son concert. C'est ça, fin. Il vient sortir un album. Never Come Back to Orleans, je crois. Comme disait Mercury, hein, Show Must Go On. Ouais, mais il l'a fait. Et à la fin, je me suis dit, bon, je vais lui prendre un CD. Donc, je lui avais acheté un CD et je lui ai demandé de le décasser. Il m'a marqué merci de m'avoir écouté. Bah, déjà il était content, mais bon le mec c'était pas dégonflé, il a fait un et puis il a eu raison quoi. Ouais, c'est ouais. comme ça qu'on fait hein. Ouais. Il a eu raison quoi, nous c'est pareil hein. S'il y a pas on y a l'a deux fait. Personnes derrière on l'a fait aussi on ouais. fait même quoi. Ouais ouais, c'est vrai que bon on l'a fait sur au Mans où il y avait ouais on a commencé à jouer devant nous, il y avait deux personnes et ça a fini, il y avait 10 ou 15 personnes. Mais les gens ont fait l'effort de se déplacer, donc. Ouais, et puis les gens qui sont là, des fois il y en a 4 ou 5, et puis ils sont à fond. Ils envoient, hein. Ils sont à fond, ils vous encouragent, et puis bon, il y a. Exactement, donc eux ils étaient heureux, nous on était heureux, et ouais, ouais. On a passé un super moment. Et une fois aussi, c'est pareil, on devait être 4 ou 5 à avoir un artiste aussi. C'était aussi un artiste anglais qui avait fait un concert. Et justement, bah, lui, il a fait 4 chansons. Et puis après, il s'est dit, bon, bah, écoutez, je vous donne un CD à chacun et vous l'écouterez à la maison. Il a quand même fait 4 ou 5 chansons. Mais après, il s'est dit, bon, allez, bon, ce soir, je me couche un peu plus tôt. Et il nous a offert un CD. Donc, c'était gentil aussi. C'était gentil aussi. Hein. Et puis en plus, c'est vrai que c'est des gens qui, des fois, ont du talent. Mais je crois que dans toutes les carrières de tous les grands artistes, Il y a eu des moments comme ça aussi. Hein. Il faut des flops. Hein. Des fois, la com qui a pas été bien faite, tout simplement. Bah, c'était ça pour le band. C'était qu'il y avait du sabotage de com. Mais enfin bon. Des fois, c'est bizarre. C'est vrai que des fois, on essaie de faire le maximum au niveau de la com, mais ça marche pas comme on voudrait. Des fois, c'est pas fait du tout, donc là, forcément, ça marchera pas. Et puis, des fois, il suffit qu'on le fasse au moment où il se passe quelque chose au même temps. D'autres, et voilà. Là, et voilà, des fois, ça nous plombe. Hein, donc, Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a déjà un message. C'est vrai qu'on a pris alors une habitude de bon gré mal gré d'être tous un peu confinés, voilà, tous un peu. On fait gaffe et tout ça, on respecte les gens qui sont malades et tout, j'en sais quelque chose. Mais en fait, faut pas se cacher derrière ça non plus, quoi. Il y en a beaucoup qui maintenant préfèrent une soirée Netflix à un concert, quoi. Ah oui, on est un peu pantouflard. Ah mais de toute façon, à la base, hein, le français est très pantouflard. Hein, je pense que je le suis un peu comme tout le monde. Hein, on est pantouflard. Le truc, c'est que voilà, faire vivre un peu la culture, c'est important. Mmh. On parle de concert, on peut parler d'autres choses. Et c'est vrai que des fois, on travaille toute la semaine. Le samedi soir, on dit on resterait bien à la maison. Mais des fois, il faut un peu se faire violence en disant tiens, il fait froid dehors, mais je vais quand même y aller et je vais aller à tel concert. Et après, on le regrette pas parce que c'est le coup d'y aller, quoi. C'est le coup de se mettre dans le bain. Ouais, ou c'est la gueule de bois du lendemain. C'est celle-là aussi. Ouais, c'est ça qu'on veut éviter. Ah bah oui, déjà, c'est... Cette fameuse limonade. À consommer avec modération. Limonade, attention, il y a des bulles. C'est ça le plus dangereux. C'est ça, c'est les bulles. Le mélange, le gaz avec le liquide, ça fait jamais bon ménage. Ouais. Aurélie, tu veux rajouter quelque chose d'autre, non? Là, je vois pas. Bah déjà, aller au concert, je voulais rajouter un petit truc, parce que du coup, on a parlé de l'album qui a été enregistré à la maison. Mmh. En fait, moi, j'ai fait toute la partie record. Ouais. Et après, du coup, ça a été mixé par un garçon qu'on a rencontré. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais De Marseille, qui s'appelle Sébastien, qui tient le studio Sunland Records. D'accord. Qui a fait un super boulot sur le mix. Et du coup, on lui tire notre chapeau aussi. Parce non, franchement, on a écouté tout à l'heure. J'étais au téléphone avec Christophe qui m'a dit l'album, il est bien et tout ça. Je dis ouais, et en plus, c'est un plaisir à écouter. Moi, je l'écoute au casque ici. Franchement, le son est bon. Hein. On a passé d'autres trucs à côté. Et puis derrière, franchement. Merci pour lui. Parce que c'est vrai que Mickey a beaucoup bossé. Il va pas se mettre en avant là, mais il a beaucoup bossé dessus. Ouais. Et Seb de Sunlab Record, hein, allez découvrir si pour ceux qui veulent faire un petit truc, on a quand même réussi à bosser ça à distance. Hein. Il est de Marseille, on a tout fait à distance. Un garçon super à l'écoute. Vraiment, humainement, on a rencontré quelqu'un. En plus de techniquement qui est devenu plus qu'un collaborateur. Sort, mais il est venu à la maison. C'est vraiment quelqu'un qui est rentré dans la famille. Il a qu'un défaut, il est marseillais. Mais, Et il est chauve. Mais on l'aime quand même, en fait. Voilà. Oh, on fait des bonnes moumoutes maintenant. Ouais. Oui. T'écouteras le podcast, Seb, mais on te fait un gros bisou. Ouais, on le salue en tout cas du côté de Marseille. Ça nous fait plaisir de voir que, il y a des gens bien dans tout le pays. Il faut à Marseille aussi, ouais. Et le prochain, de toute façon, j'irai le mixer avec lui à Marseille. D'accord. Mixer, et puis derrière, il y a eu un mastering. C'est lui qui a fait le mix mastering. Lui, il a tout fait. Hein. Oui. Ouais, parce que là, on voit bien que c'est quand même un son. Il est clair, il est propre, il est super bien enregistré. Et puis bravo aussi pour les prises de son, parce que ça, c'est quand même la base. Hein. Si les prises ne sont pas bonnes, derrière, on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre des effets. Il faut quand même... Il paraît. C'est ce que je dis à mes élèves toute la semaine. Et après, il ne faut pas oublier, c'est bien les instruments, c'est bien tout ça, mais le premier instrument, justement, c'est les oreilles. Et quelqu'un qui a des bonnes oreilles, qui arrive à faire ressortir comme il veut, c'est la première chose. Quoi. C'est déjà la bonne écoute. Ah bah, autant dans la musique que dans la technique. Hein. Clairement, c'est les oreilles. C'est les oreilles. Voilà. Et puis après, c'est l'émotion que transfère la musique qui est le plus important. Oui, puis il a su être à l'écoute pour être au plus proche de ce qu'on voulait et respecter le fait que on est quand même assez puriste et qu'on ne veut pas avoir un son hyper moderne, même si on est pas non plus rétro, quoi. Donc ça, c'était super agréable, quoi. Pas avoir un album hyper produit. Faut dire qu'il avait, on a été chiant avec lui, il a quand même été très patient. Mais après, derrière, il a eu Born to Burn, c'était bien pire. Donc, il en aura pas un troisième, je pense, dans le coin, tu vois. Au cas où. Mais non, ouais, ça a été un vrai plaisir de bosser avec lui, et du coup, c'est un peu grâce à lui aussi que l'album est comme ça, et qu'on en est là, donc du coup. Il fallait aussi lui faire un gros big up au poteau. Voilà, super. Donc après, il y a aussi, on a vu la conception de la pochette. Comment vous l'avez fait, ça? Comment ça s'est fait, ça? C'était justement avec monsieur Achille Berger qui... en fait, d'accord. À la base, c'est que... comme tu vois, il a fait donc la sculpture. Sur le t-shirt, en fait, t'as une tête en barbelé avec le dessus du crâne qui est explosé. Ouais, ouais, je vois. Et en fait, ouais, comme ce monsieur fait de la sculpture avec du métal, je lui ai demandé, parce que j'avais envie qu'on en ait une sur scène, en fait, et s'il pouvait me la reconstruire et tout, et il m'a dit que ça, avec du barbelé, ça allait être très compliqué à garder modelé, et à modeler de façon à ce que ça, ça se tienne, quoi. Et du coup, il m'a dit, bah, si tu veux, on fait avec le truc que je fais en argile, machin. Et du coup, c'est parti de là. Il rajoute le barbelé dessus. Et du coup, il a rajouté le barbelé dessus. Mmh. Et du coup, en fait, cette pochette a en fait, une libre interprétation d'un peu qui veut, quoi. Et je trouve ça magique. Quoi. Ouais, à la base, oui, on veut vraiment parler de ce qui nous enferme et puis bah, de se libérer de ça. Et c'est pour ça qu'il y avait le côté barbelé autour de la tête qui éclate. Et HL a su très, très bien le remettre en 3D. Et quand on a vu ce premier résultat, c'était au filage, c'était à la répétition générale de nos 20 ans qu'il est venu le faire. Et on l'a pris en photo avec un bon appareil. C'est Norman, notre bassiste, qui s'est occupé des photos. Et cette photo-là a été retravaillée. Il l'a retravaillée pour qu'on puisse avoir une pochette qui donne... Effet, ça fait presque graphique. C'est oui, très... Je n'ai que dalle en truc de graphisme. Moi, je suis avec non. Paint, moi. C'est Paint. Paint. Ça, c'est le premier logiciel. Hein. Ça, oui. Mais ouais. Enfin, de toute façon, la musique, c'est aussi ça. Hein. C'est des collaborations entre gens qu'on rencontre comme ça, sur la route... Ouais, moi ça me fait sourire parce que Paint, moi on m'avait demandé tes affiches que tu fais là, elles sont bien faites. Comment tu fais chaque semaine? Je dis bah tu sais, j'utilise Paint tout bêtement. Donc je travaille quand même que ce qu'il y a dedans, mais finalement le contour c'est toujours le même et c'est sur Paint que je le fais, hein, tout simplement. Ouais. Comme quoi, des fois avec un peu d'imagination et quelques outils de base, on arrive à faire des bonnes choses quand même. Hein. J'ai vu des mecs qui ont sorti des super trucs avec Audacity, hein, donc bon. Ouais. C'est vrai que bon, ça permet d'enregistrer, c'est gratuit. Voilà, c'est moins bien, ce qui paraît, mais le mec il devait bien jouer, je pense, parce que ça donne bien. Ouais. C'est après. Une démo que j'ai vu, ça doit être sur un YouTube à la con. Quoi. Mmh. J'ai une démo, le mec il dit bah regarde sur Audacity je fais ça, puis il le fait en direct, il monte, il fait une grosse caisse, un machin, en tout cas, puis il monte et puis en fait il sort le truc et il est en libre écoute et en fait tu vois le son il est bien quoi. Ouais, c'est... ouais. Non, des fois c'est le talent. Ouais, moi des fois on voit aussi des artistes aujourd'hui avec la technologie, on peut avoir des pédales qui font des effets, qui font des loops, tout ça, et on voit les gens qui arrivent à faire des choses pas possibles avec un truc à 300 balles quoi. Et puis on se dit mais attends, il fait tout en direct et déjà pour pas s'en mêler. Bon, j'en ai vu pas mal des gens travailler comme ça. Je dis, comment ils font pour pas s'en mêler? Ils font une phrase musicale, ils font une boucle, la boucle elle est bien bouclée du premier coup et après dessus ils jouent, ils interprètent. Tiens, ils font une PRQ, après hop, ils font ça. Et moi je dis bravo parce qu'il suffit qu'ils se plantent sur un truc, ça y est, ils sont plantés. Moi j'ai déjà bien du mal à me rappeler de mes lignes de guitare, en surplus, je dois me rappeler des autres lignes. Le problème d'un looper, c'est que si tu loupes une mauvaise note, bah, tu l'auras tous les 4 temps, hein, donc ça va être un peu cher. Après, il peut la recommencer. Ah, ouais. Mais c'est vrai que des fois, je vois, ils font des sans faute. Ah non, mais les gars sont balèzes. J'ai vu un mec récemment faire un comme ça, parce que moi c'était un gars que j'ai vu, c'était le mec qui s'appelle Fils de Flûte, c'est marrant son nom. j'aime bien parce que c'est un mec qui en plus le d'être avec des machines à louper et compagnie, c'est il fait tout avec des instruments de récup et le mec il arrive à te sortir des sons, mais c'est juste impressionnant. J'ai sur cette chaîne, j'y suis tombé, je sais pas, par hasard, et j'ai scotché au moins 20 minutes ses vidéos à regarder comment il faisait, et puis hop, il met une flûte et puis il loupe et puis il en remet une autre, puis après il tape sur un tambour et puis et ça donne une musique à la fin, c'est juste psychédélique. Ouais, c'est génial. Et puis à la fin on a même l'impression de dire mais attends, il y a pas un synthé derrière, c'est des sons qui ont été enregistrés en direct. On parlait aussi de filles parce que moi j'avais la chance d'interviewer de voir le concert de Marie l'Astérisque qui franchement est super forte. Si vous avez l'occasion de la voir, elle vient assez régulièrement sur Orléans. Allez la voir et puis vous allez voir toute seule. Des fois, elle est aussi accompagnée d'une autre artiste et elle fait des boucles, elle fait un tas de choses. C'est vraiment technique et je me demande comment elle fait pour pas s'embrouiller. C'est vraiment terrible. En tout cas, bravo en tout cas à tous ces artistes qui arrivent. C'est tout un travail. Hein, je crois que c'est un travail. Hein. Exactement. Au début, il y a la technologie, il y a les appareils, tout ça, mais après, il faut les maîtriser et puis il faut jouer jusqu'à tout soit bon. On écoute encore un morceau et puis après, on va se retrouver pour dire au revoir et puis on écoutera un dernier morceau. Donc, on va passer au seul titre en français de cet album. Alors, l'album s'appelle Free Your Mind. C'est le groupe Neutol et le morceau s'appelle L'Anarchiste. Voilà. On écoute tout de suite ce morceau et puis après, on se retrouve pour dire au revoir et puis on se donne rendez-vous à une prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Vous savez où ça se trouve maintenant, donc vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Oh, ça finit. Fin abrupte. Une fin vraiment abrupte. Et en plus, le pire, c'est que le lecteur continue à mettre des secondes. Il me dit, attention, ça va bientôt finir, alors qu'il est déjà fini. Voilà, donc... c'est un farceur. C'est un farceur. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc, c'était l'émission numéro 494. J'espère que ce numéro-là vous portera bonheur pour l'avenir. Hein. Et puis, donc, maintenant, vous savez où se trouve le studio. Donc, vous revenez quand vous voulez. Hein, vous me... On recale une date. Demain, vendredi prochain. On n'a rien à faire. On va venir voir Max, notre ami qu'on a découvert là. Max de Giovanni. De Giovanni, oui. Donc, on a découvert tout à l'heure le morceau. Donc, il sera là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel la semaine prochaine. On a l'habitude aussi de dire des phrases magiques à la fin de chaque émission. Donc, la première, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. La deuxième c'est Everything is gonna be alright, c'est en anglais. Hein. Ouais. Et la troisième c'est Une vie sans musique serait une erreur. Complètement d'accord. Alors là, ça c'est la meilleure philosophie. Ouais, c'est vrai qu'on s'ennuierait grave. Hein. Il y aurait pas de musique. Je serais obligé de, je sais pas moi, de jouer aux jeux vidéo quoi. Ouais, enfin, fait chier quoi. Au foot. Il y a une musique pour chaque moment. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, celle qui est en train de passer derrière me fait penser à un truc. Mais je peux pas le dire, il y a des enfants qui écoutent ou pas parce que... Oh yeah. D'accord, alors ouais, il y a des... Ah ouais, je vois. Donc c'était qui c'était... Mince, ça me revient plus le nom d'un groupe qui chantait, voilà, et je fais de la musique pour les... pour les clubs échangistes. Le nom m'en revient pas, pourtant c'est les... Ah bon, ça va me revenir, si je m'en souviens pas. C'est moi qui a fait partir la chanson. Ah bah oui, elle est partie toute seule. Bah on va la remettre. Non, il y a eu un spoil. Sans faire exprès. Non, effectivement, j'ai touché le potentiomètre sans faire attention. Et comme il y a un start, et ben effectivement. Ouais, t'as la tremblotte, ouais. Ouais, et puis là, j'essaie de le recaler, il veut pas, et il change de l'électrique. Non, mais on va y arriver. C'est bon. Avec il est recalé. 23h. Donc, effectivement, une vie sans musique serait une erreur. C'est les Fatal Picard. Voilà, je cherchais leur nom. Je sais pas pourquoi les Fatal Picard. J'ai eu la chance d'interviewer à plusieurs reprises. Oui. Et d'ailleurs, on leur fait un petit coucou s'ils nous écoutent, parce qu'on sait que il y a beaucoup de groupes qui ont joué avec eux et qui se rencontrent assez souvent. Et régulièrement, on me dit tiens, t'as bonjour des Fatal Picard. Je dis ouais, ça me fait plaisir aussi. Et c'est eux qui avaient fait. Je fais de la musique pour les clubs échangistes. Voilà. Ouais. Non, mais oui, mais bon, ça leur ressemble tellement. Voilà, les Fatal Picard. Voilà, on est à la fin de cette émission. Ben, je vous remercie en tout cas d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. Merci maintenant, à toi pour l'invitation. Je connais vos bouilles. Si on se retrouve quelque part, et ben justement, on passera un bon moment ensemble, soit à un concert ou alors dans l'émission. Vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de soucis. Ou alors autour d'une limonade. Autour d'une limonade. Non, mais voilà. Ça, c'est pour tout à l'heure. Surtout autour de la limonade. Surtout autour de la limonade. Voilà. Ben voilà, cette émission se termine. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, bonne semaine et à vendredi à partir de 19h. Merci à tous les auditeurs. On va remercier aussi Florent. Alors j'ai pas eu le temps de mettre habituellement je mets le programme de l'émission. Là je suis un peu perdu, mais je vais essayer de mettre ça après, même si c'est un peu dans le désordre. On va essayer de remettre les titres parce que je sais que beaucoup de personnes sont intéressées par les morceaux qu'on a diffusés. Et puis on va remercier aussi Irène qui est la plus fidèle auditrice de l'émission Mavrika, qui nous a envoyé un petit message tout à l'heure avec plein de fleurs, plein de cœurs, plein de choses comme ça. On va remercier aussi notre ami Florent qui fait des podcasts de l'émission. Et à partir de là, demain, on sera les premiers, je pense, hein, d'après ce qu'il m'a dit, à avoir le podcast sur YouTube, parce que jusqu'à maintenant, c'était sur une page que je partageais. Et cette fois-ci, ce sera sur YouTube. Donc, il y aura sûrement l'affiche. Je ne sais pas comment il va faire ça. En tout cas, on remercie Florent pour tout le travail qu'il fait. C'est Florent Amigo qui fait ça. C'est oui, ça. C'est lui qui fait ça. Merci beaucoup. Non, c'est que je vois son nom là, mais merci beaucoup, Florent. C'est vraiment grâce à lui. Donc, justement, je me posais la question si on était podcasté. Ouais, c'est podcasté. Donc, ça relie Florent qui le fait, et puis on le remercie parce que franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Et nous, ça nous fait un plus, quoi. C'est les gens qui n'ont pas pu écouter l'émission peuvent l'écouter. Surtout que la radio est quand même de plus en plus, et puis les générations qui arrivent encore pire, écouter en podcast. Hein. Énormément. On aime choisir maintenant à Netflix, machin, pour la télé. Tout est on comme va ça. Pareil à la radio, c'est à la carte, quoi. C'est une autre manière de consommer. Mais à la limite, c'est pas plus mal parce qu'au moins on choisit ce qu'on écoute. Voilà. Parce que des fois, quand on tourne le bouton, quand il y a rien, on écoute ce qu'il y a. La télévision, c'est pareil. Des fois, il y a rien, on zappe et puis on s'arrête. Des fois, il y a quelque chose. Sur 500 et quelques chaînes, on arrive des fois à trouver quand même quelque chose d'intéressant. Ah oui, pas sur celle où on paye de par nos impôts. Celle-là. Celle-là, oui. Si, quand même, il y a Nagui. C'est bien Nagui. C'est pas le pire. Ah bon. Ah, je peux te le dire, là, l'hôtel en ce moment, je regarde la télé. C'est le moment où je disais qu'on t'est passé. Tu connais pire ? Eh ben, encore pire. Voilà, donc on va écouter le dernier morceau qui était parti tout seul tout à l'heure. Il était pressé de finir l'émission. Ah, puis c'est, donc, c'est avec les copains. Le fameux morceau qui est fait avec Burn to Burn. Qui s'appelle Burnie Toll. Voilà, fois-ci, j'ai pas oublié le i. Et on se quitte donc sur ce morceau-là. Merci. À très bientôt. Et à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Still beat us in. Still beat us in. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Os jogadores parecem mais confortáveis quando conseguem jogar mais por dentro do terreno.